un hostie de bon gouvernement. Ça ne fait pas de bien partout, partout. Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 103 de La Jazette, proposé par Young Media, édition du 16 août 2019. Et autour, en fait, à côté sur le bord ce soir pour vous jaser ça, moi-même, Jeff Cromp, accompagné de Jeff Mallette. Toi, Jeff? Oui, toi? Ben oui, je vais monter mon volume un peu. Voilà. Bon, ben de retour pour une 103e Jazette, mon gars. Ça lâche pas. On aime ça. On fait ça pour le monde. On fait ça pour nos Patreons, nos fans, tout le monde. On vous rappelle qu'on a un beau Patreon et qu'on prend nos questions sur Patreon et partout sur toutes nos plateformes. Fait que on va avoir des questions du public ce soir, JF, entre autres. Puis on va vous parler du film Once Upon a Time in Hollywood, mais on garde encore une fois pour la fin. Fait que toujours faire ça à cette heure, quand on veut parler de film, on les garde pour la fin. Fait que le monde qui voudra écouter ça et qui n'auront pas vu le film pourront quand même nous écouter. Voilà. J'aimerais ça commencer avec un petit quelque chose, JF. Ouais, JF, je sais, écoute, excuse-moi, dans le fond, je vois juste, au cas où que les gens commentent, je voulais allumer ça. Là. Le monde, en public, avec leur téléphone cellulaire, qui se servent de leur téléphone comme d'un walkie-talkie. Là. C'est quoi ça? Peux-tu arrêter ça, tabarnak? Voilà. Ils font-tu des vols de chars? Le monde qui parle, comme ils mettent leur téléphone sur speaker, puis ils parlent comme ça avec le téléphone devant, puis t'entends tout. Hey, c'est pas de même, ça marche un cellulaire. OK, mettons, juste une mise en situation, c'est que tu t'en vas prendre le métro. T'es dans le métro, mettons, là. Puis t'as quelqu'un à côté de toi qui te boote, puis qui a son cellulaire sur speakerphone. Quoi, là? Puis là, il parle comme devant, comme s'il parlait dans un walkie-talkie, là. OK, c'est pas cool comme dans Rapide et Dangereux, là. Non, c'est pas. Non, il y a rien de cool comme dans Rapide et Dangereux. Ouais. Tu compares avec du Vin Diesel. Non, c'est parce que dans le fond, je pensais que, de la manière que tu me disais, c'est comme, tu sais, vraiment un walkie-talkie parce que, genre, je pense que le gars qui tient le plus cool, le walkie-talkie, genre, c'est le gars, genre, qui n'a aucune carrière puis qui joue dans Fast and Furious 1, il tient son walkie comme ça. C'est comme, I got it. Pourquoi tu parles en public demain avec ton téléphone devant la face, devant la bouche, mais sur le côté qu'on n'entende pas ta calisse de conversation? Il y a personne aussi qui est au bout du fil. Ben, en plus, ouais, ça doit, tu dois entendre n'importe quoi, dans le bruit ambiant. Mais pis... pourquoi il n'y a pas des écouteurs, genre, pour. Je sais pas. Je vois plein de monde faire ça. Je comprends pas. Faudrait que tu te reposes la question. Non, je vais slaguer. Je vais juste les slaguer. Genre, dans le fond, juste pour qu'ils soient capables de s'ouvrir, prends ton téléphone comme si tu enregistrais comme un journaliste. comme dans un scrum de hockey. Oui, il va pas parler dedans et dire ah, moi, je fais ça parce que. Puis là, tu vois, on va être curieux, je serais curieux de savoir s'il y aurait genre un top 3 de réponses. Est-ce que c'est hâte les scrums de sport, comme de hockey et de baseball, afin que tu vois les micros, tu vois comme. Quel réseau a beaucoup de budget, puis quel réseau n'a pas de budget avec leur téléphone tout croche. Oh. T'en as qui ont des petits micros Zoom dégueulasses. Ouais, l'autre est avec son Nokia Fido. Là. Avec un téléphone flip. Ah ouais, il parle dans le téléphone, mais plus fort. Genre, il parle, mais c'est son répondeur chez eux. Le monde. Ah, l'humour. L'humour, puis le monde. Arrêtez de parler dans vos téléphones sur le speakerphone en public. What's up with that? What's up with that? Ça va prendre une chronique What's up with that? Ah ouais. Ah, c'est clair. Ça nous prendrait des jingles. Ça nous a des musiciens à nos fans. Là. Ça nous prend des jingles, des segments peut-être. Là. Faut augmenter la production de ce show-là. On dirait que c'est juste deux gars qui jasent devant un bar. Ben ouais. C'est peut-être ça aussi. Ouais. Fait que. Voilà. Avis aux musiciens. C'était mon petit deux minutes qu'il fallait que je me sorte du corps. Mais j'avais d'autres affaires à me sortir du corps aussi. Ouais. On m'en parlait. Mais ouais, dernier épisode, on avait dit qu'il y avait déjà des changements qui s'en venaient dans la vie puis tout. Puis bon, ben, peut l'annoncer parce que Caro l'a annoncé sur Facebook at large, mais Caro est enceinte, donc on va avoir un petit bébé au mois de janvier. Ouais, puis permettez-moi live de te serrer la main et te féliciter encore. Merci beaucoup, JF. Je suis le dernier de toute la gang de mes amis à embarquer dans la parentalité. Il est trop tard ou il n'y a pas de timeline pour ça. Il peut être trop tard à un moment donné, là, comme quand ça devient sèche. C'est sûr, mais Michael Douglas n'a pas un bébé à 65 ans. Ah, mais les acteurs d'Hollywood, eux autres. Là. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est un bon timing, peu importe le temps. Ah, ouais, non, mais il y a. En fait, c'est voulu, là, en partant, là, pour enlever. S'il y avait un malaise, il n'y a pas de malaise. Là, C'était désiré. C'était prévu, là, c'est ça. C'est fait ça. Que, donc, t'es à peu près à moitié. Là, donc, début janvier. Fait que, ça se peut que les podcasts, il en manque une coupe au début du mois de janvier. Des chances que j'aille comme du vomi sur moi. Je viendrai en parler à Josette après de ça. Là. Ah, mais, c'est ça. Ouais. Prends le temps de nettoyer ça comme du monde parce que ça sent un tabarnak, ce linge-là. Astique, ça pue. Hey, Toi, Jeff, t'es un gars qui est quoi, 6 ans à cette heure? Il va avoir 7 ans le 10 septembre. 7 ans, ça va vite. Pareil. Mais t'étais-tu genre couche lavable, toi, ou couche jetable? Couche jetable. Le monde qui sont pro couche lavable, là, c'est dégueulasse. Écoute, c'est dégueulasse. Je ne peux pas ça croire. Ça coûte plus cher de un. Puis... Mais c'est-tu du monde, genre, mettons, si je mets... C'est des granos, ça... souvent, là. Des... Ouais, c'est ça, du monde qui se promène nu-pieds, là. Oh, ouais, du monde qui sort le patchouli puis qui ont du poil en dessous des bras. Puis ça roule en Toyota. Oh, excuse! C'est une blague à part. Je roule en Toyota, ça me dérange pas, c'est quoi moins cher. Mais ils sont fiables, ces chars-là. C'est ça, c'est écoute, ça pollue avoir des couches de caca ou de pipi? Ou... Ben, c'est parce que tu jettes du plastique dans... Tu te débarrasses de plastique, mais tu sais, je fais beaucoup mon effort pour l'environnement, mais j'irai pas aux couches lavables. Tu feras pas d'effort. J'irai pas aux couches lavables, en fait. Non, je peux pas, non, là. Ben non, mais c'est parce que dans le fond, là, je suis pas un pro du lavage, là, mais là, mettons là, que genre du goudron noir sur la couche lavable. Le méconium qu'on appelle. Tu vas pas crisser ça dans la laveuse avec non, mais en général, OK, t'as deux choix, je pense, si je suis bien informé, c'est que le monde lave leur couche, ce qui est calissement dégueulasse. À la main? Ouais. Ou il y a des compagnies qui viennent ramasser des couches à chaque semaine puis qui t'en donnent des propres, mais. Il y a ça? Ouais, mais ça pue, c'ti, puis. Imagine le troc, man. C'est pas très étanche aussi, là. J'ai eu des histoires de ma belle famille que du caca sur des vêtements là, à cause des couches. Puis c'est comme, non, ça va être beau, les couches. Oui, c'est pas absorbant. C'est pas pareil, là, j'imagine, là, mais en tout cas. Parce que l'avantage des couches Huggies. Il me semble que c'est juste. Le concept, il est là, des couches, là. On mettra notre effort ailleurs, s'il vous plaît, sur l'environnement, là. Non, c'est ça, tu sais. Dégueulasse. On va arrêter de boire des pailles en paille. Tu bois des pailles, toi? Boire en paille. Je bois une paille par la paille. C'est ça, des pailles en plastique, c'est vrai que c'est pas bon. Hey, non, ça se rentre dans le nez des tortues, ça. Ouais, mais parlant des gens, JF, écoute, à un moment donné, mon père, quand tu vas chez eux, là, c'est tout le temps LCN qui joue à TV. Puis il dort tout le temps sur le divan. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te poses pas la question, c'est clair, parce qu'il écoute LCN. Ça rentre dans son subconscient. C'est même fucking nouvelle, c'est genre du matin au soir. Puis il y avait eu un reportage sur le fait que, genre, un Tim Horton à quatre parts au Québec ont retiré leur paille pour être plus écologique. Puis là, ils ont interviewé du monde qui est en désaccord avec ça. C'était comme, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, on a des droits, nous aussi. Puis c'est comme, tabarnak, man! Ah, le monde, sont fous, là. Tu sais, les climato-sceptiques, ceux qui croient pas au réchauffement de la planète. Tu sais, OK, fine, tu veux pas croire à la science, ton droit. En quoi c'est mauvais de juste avoir des meilleures habitudes de consommation puis de pas polluer? Je suis comme... le monde. Mais ouais, voilà. Faut chercher à comprendre, mais gars, qu'est-ce que tu veux? Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Voilà. Puis bon, revenons aux enfants. Là. On sait pas encore le sexe à 100%. On s'est fait dire un 75% de chance d'un gars, fait que comme tout bon parent qui a un pourcentage, on a acheté du linge de gars comme des épais, puis on sait pas encore si c'est un gars. On se croise les doigts, sinon il faut que je retourne au Disney Store. Facture, Oui. Mais là, c'est de la folie. Il faut que tu te calmes quand tu commences à magasiner des affaires d'enfants. Ah, parce que ça n'a pas de sens. C'est comme ça, c'est cute. Tout ça, c'est cute. Tout est cute. Puis à un moment donné, c'est d'avoir, je sais pas moi, une limite. Tu dis, OK, à un moment donné, ça va faire. Ah, ben, tout le monde va t'en donner en parce plus, que ça ne dure pas longtemps. T'sais. Des fois, tu as des pyjamas. Plus tu t'aperçois que ton bébé, genre, il est plus gros que genre le monde avait anticipé. Fait que là, c'est rendu que des fois, tu as du linge que tu reçois en cadeau qui ne font même pas à la naissance à cause de ça. Fait que, tu sais, il faut faire attention. Et moi, c'est pour ça que, mettons, un petit conseil que je vais donner à tous ceux qui donnent des cadeaux de bébé à du monde, là, acheter toujours plus grand. Ouais. Comme ça, tu es sûr que ça va faire un moment donné. Ouais, ben, c'est ça, là. Mais bon, la fois que j'ai le plus hâte, je pense, c'est de pouvoir utiliser la phrase tu peux pas comprendre, tu n'as pas d'enfant. Est-ce que j'ai cette phrase-là? Ça, là, quelqu'un qui me dirait ça, là, je pense que j'écrisserais une tape sur la gueule. Ça n'a pas de bon sens. Comme, tu me prends du pour un câble. En fait, ça prend je pense que je comprends un peu c'est quoi qu'il y a derrière la pensée de cette phrase-là. C'est de dire, t'as beau... Tu sais, mettons, là, quelqu'un qui se fait amputer une jambe, ça doit faire mal, mais tu peux pas le savoir tant que tu t'es pas fait amputer une jambe. Mais tu sais que ça va te faire mal pareil, mais tu sais pas le vrai feeling. Parce que maintenant, tu vois que ton gros bon sens... Non, mais tu le sais, comme c'est quoi, mais tu le ressens pas de la même façon que si tu le vis, c'est certain. Là. Non, c'est ça. Tu me l'avais dit, si j'arrête pas de brailler tout le temps là, depuis que je sais qu'on va avoir un enfant. J'ai rendu un papa qui braille non-stop. Ça l'ouvre une porte. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Même des fois, tu vas voir des bandes-annonces de TV, tu sais, dans la cloche Illidio quand ça braille pour une annonce de banque. Ouais, non, pas à ce point-là. JF, jamais, parce qu'à un moment donné, ça va t'arriver, man. Au bye-bye, là, il y a souvent des annonces où ce que les... Tu sais, mettons, ça, les gens sont contents que ça ne sont pas vus, puis là, bonne année, puis ça, c'est des câlins, là. Mais tu vois, ça me fait verser une larme. Ouais, là, c'est... Ah non, je te jure, là. Le pire, c'est que... On va être bien trop sur le stress à niveau bye-bye cette année. Check bien ça au bye-bye. Tu sais, à un moment donné, t'as tout le temps, genre, les gens qui travaillent, qui peuvent pas être avec leur famille pour dire bye-bye. Là. Ouais, ouais. Ouais, ouais, tu sais, quelqu'un qui est dans le shop, il dit hey, bonne année à ma petite fille, papa il est pas là, mais je vais être là le même matin, je vais faire déjeuner. Juste en t'en parler, j'ai des frissons, j'étais comme, qu'est-ce que c'est triste, man. Le gars, il est en train de, genre, sortir les vidanges, puis il peut pas être là pour sa famille. C'est rendu quoi la jasette? Non, c'est ça, mais tu vas comprendre, JF. Ouais. Ben, je comprends déjà un peu. Même plus. Un film d'animaux, genre, tu vas broyer en tabarnak. Ouais, mais les films d'animaux, anyway, ça vient tout le temps me chercher, là. T'as déjà écouté Marley et moi? Ouais, ce film fait chier, ça, écouter ça, là. Mais à cause de ça, genre, à tous les jours, j'ai peur que mon chien meure. Je veux pas vivre ce moment-là où ils vont le piquer devant moi puis que je vais sentir mon chien arrêter de bouger dans mes bras. Oh, ben, t'es pas obligé de l'avoir dans les bras, puis c'est pas obligé de se faire devant toi non plus, là. Ok, je pensais qu'il fallait être ça dans la salle. Tu peux, c'est toi qui. Je pense que. T'as le choix. Hey, mais tu viens de me flipper d'un sujet à l'autre, là, mais l'euthanasie, je pense que tu peux ne pas être présent si tu veux pas être présent. Là. Pour ton animal? Ouais. Il y en a qui le font. Je pense que ça se fait à la maison aussi, si tu veux le faire à la maison. C'est... À un moment donné, mon chien, il avait blessure à une hanche parce qu'il avait déboulé les marches. Puis quand je t'allais. Mais c'est un petit crisse de chien. Il doit être. Ben, il court sur pattes. C'est ça. Puis là, quand je t'arrivais à. C'était comme une 24 heures sur 24, le vétérinaire. Là. Puis là, il y a une madame qui arrive avec un panier puis une couverte. Ah, boy, man. Son chien était mort, resti, puis elle l'amenait pour se faire incinérer. Quand j'y vais à Madame Broyer, là, je me dis, Chris, ça va être moi, ça, plus tard. Ah, moi aussi. Ah, ça doit être tellement. Il y a Antoine Sty dans le chat sur Twitch qui nous dit qu'on a le choix pour l'avoir vécu. Mes condoléances, Monsieur Auclair. Mais ouais, d'ailleurs, si vous voulez nous écouter en direct, twitch.tv/youngmedia. Jamais le mauvais moment de faire une plug, surtout quand on parle d'euthanasie d'animaux. Ouais. Mais c'est pour vrai, c'est le downsize des animaux. Là, c'est le mauvais côté. C'est que tu vas avoir à vivre ça, c'est sûr. C'est ça, la seule affaire, je pense que c'est mon quatrième chat que j'ai, là, je pense. Là, c'est... Ben, c'est ça, mais l'affaire qui est moins troublante, je pense, c'est des poissons. Ouais, ça, t'es flush, puis là, ils reviennent à la vie. Là. Mon frère, ouais. Là, chez eux, il y a un poisson dans un bocal. Là, pis, là? Ben, je pense qu'il l'a encore, ouais. Puis il est arrivé, puis son chat, il avait probablement joué dans le bocal, puis il avait saqué le poisson à terre, le poisson ne bougeait plus. Enfin, il est revenu dans l'eau, puis le poisson est revenu à la vie. OK, ben c'était-tu récent, genre, tu penses, qu'il avait tombé? Là? Ah, ça faisait au moins une heure, là. L'eau était comme séchée en dessous, là. Puis il bougeait pas pantoute? Il bougeait plus. Wow, ton frère a dit capoté, man. Mon frère a des dons de réanimation de poisson, ça a l'air. Là. Parce que l'affaire que je trouve bizarre d'un poisson, tu sais, mettons, quand toi, tu manges, là, puis t'as plus faim, t'arrêtes de manger, un animal, c'est pareil, tout dépendant qu'elle sort des mâles que c'est. Mais pourquoi un poisson, genre, si tu y crisses le pot complet dans l'aquarium, pourquoi qu'il arrête pas de manger à un moment donné? Il crisse, ça doit avoir un petit estomac. Ouais, puis ça a aussi un petit cerveau, je te dirais. OK, mais pourtant, c'est supposé être un genre. Pensons à ton poisson rouge, puis pense que son cerveau, c'est la tête d'une épingle. Fait qu'il est pas assez brillant pour comprendre qu'il a plus faim, genre. Non, lui, il mange, il a de quoi manger, j'imagine, là. OK. Ouais, ça a du sens. En fond, ça a un cerveau de fourmi, là, mais OK. Oh, une fourmi, je pense que c'est. Je vais poser la question. Pourquoi tu penses que les poissons, ils font comme le tour dans leur bol? Ils ont pas assez de mémoire pour, comme, quand ils partent d'un bord à l'autre, pour se rappeler qu'ils venaient de partir de l'autre côté. Fait qu'ils se font juste tourner puis ils s'en foutent, eux autres, là. Ça rend comme leur vie un peu plus palpitante, rendu là. Genre, parce que c'est traumatisant. Tu t'écoutes, genre, tu sais, trouver mon ami Nemo. Trouver Nemo, là, puis t'es comme, les poissons, c'est bien trop épais pour faire ça, là. Tu vois, je me suis Disney jamais... nous a menti. Je me suis jamais posé la question. Parce que moi, je connais quelqu'un à l'ouvrage qui s'est acheté un aquarium. Puis je pense qu'il a dépensé genre au-dessus de 2 000 $ son aquarium avec des plantes puis tout ça. Puis tout ça, des poissons. Ça coûte cher, maudit. Sauf qu'à chaque fois qu'il me demande genre des affaires sur moi, tu sais, mon opinion, c'est comme t'as-tu acheté des piranhas, genre t'as-tu acheté genre un poisson qui t'as-tu peut manger des piranhas. Mais tu sais, parce que dans le fond, avoir un gros aquarium de main, tu te dis, Chris, ça serait le fun s'il y avait un peu d'animation. Fait que là, à un moment donné, je vois des poissons se battre. Là. Ben là, comme moi, j'ai demandé pourquoi t'achètes pas un Jason Voorhees en décoration pour le crisser genre en bas de ton aquarium. Ça serait écœurant, genre, tu sais, mettons, tu mets des néons, puis là, tu vois juste lui. Tu sais, ça flotte, tu sais, comme dans, en tout cas, le sixième. Là. Mais c'est non, je sais pas. Il me semble que... Quand il est dans le fond du lac, là. Ouais. God, ça, c'est terrifiant. Là. Puis apparemment, il y a une place à quatre parts. Je pense au New Jersey que ça se passe, cette histoire-là. Ouais, ils l'ont fait pour vrai, là. Ouais. Oui, je sais, c'est fou. Hey, imagine, tu te baignes puis tu vois ça. Ouais, oui, ça. Moi, je pense que je meurs dans l'eau. Ben, moi, je pense que je me baigne plus jamais. Je prends même plus ma douche après ça. Là. Ah, Chris. Ouais, t'es en train de genre nager puis tu vois Jason dans le fond de l'eau, là, dans le lac. Une chance que c'est pas un vrai, parce qu'imagine, c'est de pogner la jambe. Et là. Alors, c'est un acteur avec un masque qui est là puis juste pogner des jambes à l'Halloween. Ça serait fou. Genre un petit prank, là. Là, faut. Quand tu te pognes, genre, tu cognes une soirée gratis au camp. Non, merci. C'est bon. Le camp de la terreur. Comme, ça, comme... des idées, ça, pourquoi qu'on se part pas un événement d'été? Mais non, on se part une série de livres, là, le camp de la terreur, là, comme la, les éditions de la courte échelle, ou je sais pas quoi, les livres de frissons. Ah, ça, ça... ça parlait de ça, là, ça a l'air qu'ils vont faire un remake. Tu sais, à un moment donné, à YTV, là, une chaîne, c'est pour ceux qui sont jeunes. Là, Are you afraid of the dark? C'est... Oui, mais là, ils veulent faire un... Tu sais, c'était comme les livres Fraîcheur de poule, là. Ouais, Goosebumps, moi, c'est ça. C'est ça que je parlais aussi, là. Je pense que c'est, mettons, genre quand la terreur, Netflix pense, c'est ou c'est Amazon ça. Veulent refaire un remake de la série. Mais c'est de ça que je parlais. Le camp de la terreur, je pense, c'est comme... C'est un sac de couchage avec un serpent dessus, là. Il me semble que oui, là, ça fait longtemps. C'était des Écoute, moi, ce que j'aimais de ces livres-là, c'est que l'écriture était grosse. Fait que ça prenait moins de temps à lire que les frissons. Puis on pouvait les lire en anglais quand on avait notre catalogue scolastique. Oui, hey, ça, je m'en souviens de ça. Tu sais, qu'est-ce qui me manque? Je sais pas si tu as ça encore, là. Ça c'est les livres de Garfield. Ben, as-tu les livres de Garfield encore? Je les ai plus, mais j'ai juste mon iPad. Ouais, c'est parce que moi, je voulais montrer à mon fils là, la grosse brique. Là, ah, ouais, ouais. C'était un must. Tout le monde avait acheté les livres bleus. Les scolastiques, hey, ça, c'était cool. C'était à belle époque, ça. Tu peux commander des affaires. Hein, Ça, c'est merci à Nicole Arbour. Je me semble que c'est avec elle, en secondaire 3, qu'on commandait ça. C'est au primaire, les affaires scolastiques, me semble. C'était pas Jean de la Monnaie quand on était au secondaire. Il me semble que c'était au primaire pour apprendre l'anglais, comme ouais, en 4-5e ouais, année. C'était comme un mélange de... Ouais, ça se peut, ça, c'était à Jean 23. Ouais, ouais. Je pensais que c'était pas... C'était... Ouais, Jean 23, la prairie, très local, très local. Dans le temps qu'on avait le prof d'anglais qui s'appelait Kevin. Jean 23 ou Émilie Gamelin, en 6e année, pour les très locaux de la prairie, qui ont tout des... qui ont fait leur secondaire, prix secondaire, 6e année en genre... Puis le pire, c'est que je connais du monde qui allait à l'école avec nous autres, qui sont rendus profs à Émilie Gamelin. Ça fait que ça fait spécial. C'est fou, regarde ça. Shout-out à eux. Pourquoi on parle de ça? Ben, on a parlé d'animal. Puis, ouais, on parle d'animaux. Que t'allais pleurer, genre, quand tu verrais une feuille tomber d'un arbre. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, ça, je suis tout émotif, là. Mais je peux te raconter un peu comme les étapes qu'on a vécues à date sur... le processus de grossesse, ouais. Qui se passe très bien d'ailleurs jusqu'à présent, fait qu'on est bien content. C'est tout ce qui compte. Mais ça a commencé en fait à Toronto. J'ai-tu parlé à Jean-Zé qu'on avait été à Toronto pour voir les Jays? Je pense que c'est là qu'on a parlé de St. Louis Buffalo Bill Wings, je sais pas quoi. Là. Ça se peut. Caro avait bien mal au cœur là-bas. Moi, je mangeais ma livre d'ailes de poulet en fou, puis elle, ça rentrait pas. Je suis comme. On va peut-être faire un petit test en revenant à la maison. Finalement, fait le test, c'est tout le temps plaisant. Puis c'est un bâton, mais ça, c'est le comptoir de la ouais, parce que vous étiez, mettons, en étape, pour mettre dans la situation, c'est que tu sais vous étiez, dans le fond, en train de travailler. Oui. Puis là, ben, là dans le fond, ouais. Tu sais, c'est pas comme, mettons, c'est la troisième option qui t'est venue à l'esprit. Genre, c'est comme, ah, oh, peut-être non, que... On était en train de préparer ça, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ils faisaient de la popote. C'est ça. Là, c'est, à un moment donné, ça va être prêt. On verra quand, mais c'est arrivé très, très, très rapidement. Très, très, très rapidement, là. Comme une moyenne de 1 à 1 au bâton, là. Je vous repose en tout cas, mais mais là, ça, tu sais... Il frappe pour 1000. Le classique d'être quelqu'un assis sur le bord du bain puis t'attendre 2 minutes, t'es comme... C'est long, 2 minutes, là. Hein? Puis là, t'as le petit plus, puis t'es comme, ah, cool. Est-ce que tu tapais du pied? Non. J'étais juste... Ça arrive juste dans les films, ça, je pense. Bien attentif. Okay. C'est là que j'ai commencé à brailler puis j'ai pu arrêter depuis ce temps-là. Là. Ah, tu vois, je le savais, man. C'est là que... Mais c'est trop d'émotion, de joie d'une shot, là. Ben, c'est ça, c'est comme... Pourquoi tu ris puis tu pleures en même temps? Je sais pas. Ben, comme moi, la manière que je l'ai su, genre, on voulait aussi, genre, OK, on était rendu là, mais elle me l'a annoncé de même, genre, avant un souper du jour de l'an. Ah, elle a fait le test avant de... Le matin, elle dit « Faut que je te parle ». Là, j'avais peur, genre, parce que, tu sais, elle avait l'air d'être un peu comme sous le choc, je te dirais. Ouais, ouais. Puis c'est ça, quand je l'ai su là, genre, tu sais, là, j'étais content, tu sais, c'était comme « Ah, oh, wow ». Puis après ça, la leçon, on l'a annoncé à la famille. Mais moi, genre, c'était comme une surprise, le fait de l'avoir su. Puis à ce moment-là que la porte s'ouvre, ce que tu deviens plus émotif, puis plus ça va aller... plus tu vas capoter. Ah, oh, c'est clair. Puis c'est un grand vertige. Là. C'est quand tu n'as pas eu avant, tu ne sais pas quoi t'attendre nécessairement. Puis... Ben, c'est comme si, mettons, je sais pas moi, c'est l'ADN de l'humain fait que, mettons, quand tu as une progéniture... Oh, l'instinct va embarquer. Là, puis... ben, c'est comme si ça débloquait quelque chose en toi. Là. C'est ça. Mais bref, là, après ça, on a fait des annonces. Puis tout ça. Puis première chose qu'on a faite, parce qu'on savait pas quoi faire, parce qu'on n'avait pas annoncé à nos parents, ça a pris comme une semaine pour qu'on annonce à nos parents pour qu'on les voit en vrai. Sûr, oui. Non, mais tu veux les voir en vrai, tu ne veux pas leur dire au téléphone, c'est un peu plate. Là. Ouais, envoyer un courriel. Mais nous autres, on a fait comme, OK, c'est quoi la première étape? Caro a dit, on va aller voir mon médecin de famille pour se faire conseiller. Je sais pas, moi, c'est le meilleur réflexe que tu as, c'est d'aller voir le médecin. Puis là, c'est comme un... Je nommerai pas le nom, puis je dirais pas où est-ce qu'il est son médecin, là, mais on s'en va là, puis c'est un... C'est un médecin de la nouvelle génération, là. Tu sais, à peu près de mon âge, peut-être un petit peu plus jeune. OK. C'est pas un... Il n'y a pas des cheveux gris, là. Non, il n'y a pas des mains de médecin que tu sais qui a travaillé avec ses mains, là. Il n'a tâté de la patiente, là. OK. Première affaire qu'il fait, comme... OK, mais pourquoi vous êtes là? Puis comme il comprend pas pourquoi on est là. Puis là, on est comme, ben, on... Caro est enceinte, on a fait le test de grossesse, puis on sait pas c'est quoi la date. Fait, c'est quoi la prochaine étape à faire? Qu'est-ce qu'on a à faire? Le suivi, puis tout, là. Puis là, il nous regarde comme, ils sont peut-être deux astis de cave, là. Puis on est comme... OK, il dit, ah, d'habitude, les patientes, ils appellent le gynécologue, là, puis c'est ça, là. Puis on est comme... Ouais, mais lui, il peut pas t'en référer un, genre? Ben, il y en a référé deux qui répondaient pas, finalement, t'as allongé, là. Mais puis, il est comme juste... Oh, lisse! Il est juste comme tâté à bédaine à Caro, puis ah, t'es enceinte. Comme, oh, mais Christ, c'est pas... juste en mettant la main sur la bédaine? Comme, on l'a... Il l'a détecté de même, ouais, là. Je sais pas, il est juste touché, là. Mais mettons que vous y auriez pas dit, là... Ben non, elle était comme à cam 5-6 semaines, peut-être, là. Fait que tu sais pas dans ce temps-là. OK, fait qu'il y a vraiment rien collissé. Non, mais c'est pas long, t'es comme... Si on sait pas la date officielle, ça change quoi, tu sais? C'était pas une prise de sang à faire. Finalement, il n'y a rien fait de ça, puis il aurait dû, là, on a su après qu'il aurait dû nous faire une prise de sang, là, pour moins qu'on sache la date, la vraie date. Ouais, pour t'enligner. Parce qu'après ça, il y a d'autres tests à faire qui s'en viennent, parce que ça... Puis il a laissé un papier, qu'on sait pas c'était quoi, on l'a donné au médecin, puis il a fait comme... Ben là, il veut que tu fasses une prise de sang pour savoir si t'es enceinte. On l'a comme donné récemment, il a fait « Clairement, t'es enceinte, là, fait. Puis des analyses de sel... C'est pas nécessaire, ça. J'ai quand même... Là, on parle d'un médecin, c'est un médecin de nouvelle génération. Qui a donné ça, là. Lui, j'étais comme... Ah, oh, oh, OK. Il y a okay c'est un gars... De... C'est ça, dans le fond, juste c'est un gars de notre âge, pas j'oublie que c'est un gars de ton âge. Ben, de notre âge, dans le fond. OK? Fait que là, dans le fond, genre... Parce que, ça... mettons que lui, il n'a rien donné. C'était inutile. Là. C'est inutile. Fait que là, on est allé à la clinique gynécologique de l'hôpital Pierre Boucher à Longueuil, mm-hmm. qu'on s'est rendu compte après que c'est une clinique semi-privée, ce qui veut dire qu'ils essaient de te faire payer pour plein d'affaires que tu n'as pas de besoin ou sont très, très poussés sur l'argent. Là. Comme chez le vétérinaire. Voilà. Puis on avait lu aussi en ligne que il y a comme trois gynécos là-bas, puis il y en a deux qui sont pas bien fines, ben, pas très humaines. Des là. Commentaires, mettons Facebook. Des commentaires sur Google aussi, comme de monde qui disait comme une qui est super fine, les deux autres sont assez comme pas humains. On est comme... Sans nommer de nom, genre? Ben, je pense qu'il n'y a pas de nom, mais on l'a su par quelqu'un d'autre. On n'a pas mis une bonne, finalement. Là. OK. Mais si on y va, puis on fait de la merde. Anyway, c'était pas une bonne, on ira ailleurs. On s'en fout, là. Fait que, ouais, premier rendez-vous, tu t'attends le cœur du bébé. C'est, ça, c'est un autre choc, là. Mm. Surtout quand tu t'en attends pas qu'ils vont faire ça. Là. Ils n'ont rien dit, ils ont mis ça là-dessus. Je suis comme, ah, je pensais pas qu'on l'entendait tout de suite. Mais après ça, sans... T'as-tu pleuré? J'étais émotif, mais j'ai pas pleuré à ce moment-là. Non. Okay. Parce que tu n'avais pas encore réalisé que c'était vraiment le cœur du bébé. C'était... Mais non, mais je l'ai réalisé tout de suite, mais j'ai fait comme « Wow, ça va trop vite, qu'est-ce qui se passe là? » OK. Après ça, vient ce qu'on va appeler le dépistage de la trisomie. En fait, ce qui c'est pas obligatoire, je pense, à cette heure, mais... C'est à ta discrétion. Mais on s'en était déjà parlé parce que c'est... Puis là, tu sais, il n'y a rien de mal à avoir un enfant trisomique, mais il y en a que, si tu peux le savoir, veulent... pas le faire. Là. On aurait comme pas été de l'avant si c'était pas le cas. Fait que là, ils disent, OK, ben, il y a des tests. Il y a deux tests à passer. Il y avait un test de sang. Attends, mais comment vous le présentez? C'est que si vous voulez, il y a des tests ou il y a des tests qu'il faut que tu fasses là? Non, mais ils ont posé des... Premier rendez-vous, ils posent des questions, savoir ce que tu veux. Puis tu sais, si... Okay, si ils donnent le choix. Là. Ouais, si c'est important pour toi, ils vont te suggérer quoi faire. Puis là, il y avait okay. comme... Ils disent, ah, il y a deux tests. Tu as le test de prise de sang, mais c'est pas, ça couvre pas à 100% à tout. Puis c'est pas des... C'est pas très précis. Puis là, c'est ce qu'ils appellent la clarté nucale que j'ai découvert récemment. En fait, c'était quoi? C'est qu'ils vont faire un écho du bébé puis ils vont mesurer la longueur du cou par rapport au bébé. Puis là, ils ont fait comme c'est 170$. Je suis comme, OK, on va le faire. On va voir les meilleures statistiques possibles. J'ai appris à mon père, finalement, après ça, que c'est supposé être gratuit, ça, quand tu vas dans une clinique pas privée. OK, ben là, vu que t'es dans une semi-privée, quoi, quelque chose comme ça. Je donne une clinique privée, ils m'ont fait payer. Puis là, ils sont comme, c'est cash, puis pas d'assurance qui couvre ça. Puis j'ai réussi à faire passer mes assurances. Fait que là, déjà, je suis comme... Ils te l'ont dit avant ou après l'examen? Ils m'ont dit avant. OK. Puis j'étais comme, pourquoi vous me dites que c'est pas couvert par les assurances? Dites-moi qu'il y a des assurances qui ne le couvrent pas, mais dites-moi pas, c'est pas couvert par défaut, tu sais. Là, je fais ça weird, tu sais, puis... Finalement, on a fait les deux tests, puis quand on a fait la carte nucale qui était l'écho, c'est là qu'elle a fait, elle nous a donné un 75% de chance de que ce soit un petit gars. Mais ils ont fait comme, le bébé est 86 mm, puis la limite pour utiliser ce test-là, c'est 85 mm. Fait que je suis comme, OK, on va juste prendre la prise de sang qu'il y a, mais là, elle dit, tu avais de l'air beau. Elle a dit, mais tu as de l'air beau, puis il n'y a pas de trouble. Puis là, après ça, on reçoit les les résultats de la prise de sang. Et c'est là que le fun n'a comme pas commencé. Là. Il nous appelle en urgence le matin. Genre, il réveille Caro comme moi, il faudrait venir en urgence avec votre conjoint à la clinique, on reçoit vos résultats de prise de sang. Puis on est comme. Sans donner de détails, fait qu'à partir de ça, ben non, mais ben, parce que probablement que la secrétaire ne sait pas ce qui se passe. Hein. Déjà, t'es hyper sa panique en partant. Tu sais pas ce qui se passe. Ça devait être une longue ride là, pour rentrer à l'hôpital. Ouais, c'était comme un 15 minutes pas très plaisant. Là, puis on est comme fuck, qu'est-ce qui va se passer? Puis on dit. Je vais dire comment ils l'ont dit. Ils ont dit on a reçu vos résultats, puis généralement, quand il y a une chance sur 300 de trisomie ou moins de chances que ça, on fait pas d'autres tests. Vous, présentement, vous êtes à 1 sur 100. Il faudrait faire d'autres tests. Mais là, tu sais, hyper froid. Puis c'était pas notre docteur qu'on avait d'habitude. Fait que c'était hyper froid, hyper comme. Fait que ça, c'est ça. Puis ça, c'est le même. Puis là, les tests qu'il y a à passer, c'est ça, puis ça. Puis là, on est comme. T'as minute, là. Comme ça va bien trop vite. Puis là, la fille, elle nous dit OK, il y a deux tests possibles pour avoir plus de précision. Elle dit il y a un test qui est. Des prises de sang, c'est des dépistages d'ADN. Ça coûte 500$, c'est pas couvert par les assurances, puis c'est cash, ça aussi. Ça prend 10 jours à avoir les résultats. Sinon, c'est une amniosynthèse qui vont piquer dans la bédaine. Puis elle dit, c'est comme 2 à 3 semaines pour avoir un rendez-vous à l'hôpital. C'est à Sainte-Justine, c'est 4 semaines pour avoir les résultats. Puis il y a des risques pour le bébé. On est comme, il n'y a pas un humain qui va comme pas prendre le 500$ rendu là. J'ai l'impression d'avoir été forcé à comme... Ouais, l'autre, il y a des risques. Tu prends, lui, c'est 500. Nous autres, on a fait faire l'amniosynthèse. Ouais. C'est, des fois, t'as pas le choix ou ça dépend des tests. Là. Ben, comme nous autres, dans notre situation, là, la mère à mon fils, elle a arrêté de travailler après 3 mois de grossesse à cause qu'elle a eu des saignements. Puis là, c'était tout le temps à risque. À risque. Hein. Puis là, elle a fait l'amniosynthèse très tard dans la grossesse. On était, je te dirais, quand on a reçu les résultats, il restait un mois avant qu'ils naissent. Fait que c'était à risque qu'elle fasse une fausse couche. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai dit, garde, moi, je suis à l'aise si tu ne fais pas l'examen parce que je veux pas que ça soit à risque à toi ni à l'enfant. Ouais, ouais. Mais elle a fait faire pareil. Puis écoute, c'était l'inquiétude, là, dans le fond. Là. Je comprends le délai qu'il y avait entre, mettons, l'examen qui a été fait puis d'avoir les résultats. Mais nous autres, on a eu les résultats dans la semaine qui a suivi. Là. Ouais, nous autres, ça a pris une semaine. C'était le jeudi, puis on l'a eu le lundi, pas la semaine après, l'autre d'après. Ouais, c'est ça, fait que c'est une semaine assez pénible, je te dirais. T'as la fin de semaine, t'es comme, t'essaies de pas penser à ça, mais t'as tout le temps dans ta tête le style de feeling qu'il va se passer de quoi de pas correct. Là. Même si t'es comme, faut rester positif. Puis ça, après, avec le recul, là je repense, je suis comme, tu as dit 1 sur 100. Mais ça, c'est juste la prise de sang parce qu'ils n'ont pas pris en compte là, le test de clarté nucale, l'écho de mesurage. Ils l'ont pas utilisé. Fait, ça se sort juste d'un résultat, dans le fond. Ils enlèvent un résultat de l'équation. Fait qu'en partant, t'as comme les stats sont faussées. Puis j'imagine que dans la tranche d'âge que Caro a là, plus tu avances en âge, plus ça vient risqué. Fait que, tu sais, on l'aurait fait pareil. On aurait peut-être été moins sur le stress des résultats, de l'attendre, de se l'être fait dire comme du monde, que de juste se le faire garrocher. Fait que là, on est comme, oh, fais-les, puis tu sais. Il semble faire passer Caro qui est comme démoli dans la salle d'attente pour l'amener dans la clinique qui fait le test. La fille fait comme non, porte en arrière. Je suis comme tabarnak, là. Comment vous traitez le monde ici, là? Il s'en calisse. Puis là, on rentre dans l'autre bureau pour la prise de sang. La fille, elle me dit c'est 500. Je suis comme OK. Elle dit Interact ou Mastercard. Je suis comme il m'avait dit que c'était pas de carte de crédit. Non. Elle dit là, ton reçu des assurances. Je suis comme voyons, calisse. Parlez-vous, c'est quoi ça? Puis là, c'est toujours à Pierre Boucher qui vous disait de la merde. C'est la gynéco de Pierre Boucher. Ils ont, ils ont juste dit de la merde sur les paiements. Fait que ça, je comprends pas pourquoi. C'est-tu la mafia des médecins? Je sais pas. Là. Parce que les autres, ils font de l'argent sur chaque test probablement qu'ils vendent. Là. Fait non, puis des fois, il va y avoir un concours. Celui qui fait faire tant de nombre de tests va gagner un voyage à Hawaï. Mais bref, puis c'est tellement de la merde. En plus, ils ont dit fait que vous allez passer les tests de prise de sang. Puis si nous, on vous appelle, c'est pas une bonne nouvelle. C'est la clinique qui prend la prise de sang, qui vous appelle le laboratoire. C'est parce qu'il n'y aura pas de problème, puis c'est une bonne nouvelle. Fait que là, on est sur le stress. Là, c'est pendant... Moi, ça m'a. Mais est-ce que tu aurais pu différencier les deux numéros de téléphone? Mettons, quelqu'un t'appelle. Ben, Caro, elle a eu l'appel, puis c'était un message sur son répondeur, puis c'est oui, c'est le laboratoire, quelque chose. OK, fait qu'à partant, elle savait que ça, sans qu'ils disent. Mais c'est ça. Puis quand on a appris qu'il y avait 1 mm trop long de bébé, là, c'est parce que Caro était 2 semaines et demie plus avancée qu'on pensait, parce que son esti de médecin ne nous a pas fait faire de prise de sang au début pour savoir la date. Ça l'a fait comme l'effet domino. Si on avait fait le test, la clarté, 3 jours avant, on était correct. Si on avait eu la bonne date, c'est juste n'importe quoi. Là. On dirait qu'il y a comme eu de l'incompétence bord en bord dans ce dossier-là. Puis ça, ouais, ça... puis on va te souhaiter que ça soit mieux d'ici là. Parce que là, mais c'est non, mais important que ça vienne. Parce qu'il n'y avait aucun problème à date avec Kao non plus. Puis tout était beau. Puis by the way, on a eu le résultat. Puis c'était correct. Là, la fille, elle avait dit vous avez une chance de 0,01 sur 10 000. Elle dit j'ai jamais vu ça. C'est comme il n'y a plus d'autres tests à faire. Là, puis tout est correct. C'est là. Comme c'est OK, t'es correct. Parce qu'on en veut juste un aussi. Fait qu'on s'est dit t'es aussi bien d'avoir un bébé en santé en partant. Là, parce que ça. Ça doit hypothéquer une vie pareille, un enfant qui a une trisomie. Là, c'est pas évident. Là. Moi, chapeau aux parents qui le font, c'est vraiment honorable. Là. Mais comme moi, ma soeur, son mari, dans le fond, ils ont deux enfants, là, mon neveu Samuel. Ouais, ouais. Mais ça a donné que les deux enfants, dans le fond, ils ont une dystrophie musculaire parce que ça donne que les deux ensemble font un enfant qui a dystrophie. C'est une incompatibilité, genre. Puis ça leur, ben, dans le fond, c'est aucun muscle se développe. Ils sont même pas capables de bouger leurs bras, leurs jambes. Ouais, mais le fait que ta soeur et son mari ensemble, ils ont quelque chose qui font que ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est comme si c'était la recette pour la maladie, dans le fond, là. Fait que eux autres, écoute, ça leur a changé leur vie à jamais. Là. Écoute, ils ont modifié leur maison en conséquence. Quand ils font des voyages, ils peuvent pas aller où ce qu'ils veulent. Ouais, c'est clair. Là, c'est... Fait que c'est difficile. C'est tout l'entretien qui vient avec ça. Fait que j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. C'est pas facile. Fait que, tu sais, je peux comprendre. Là, Mais c'est un moyen de le savoir assez tôt puis que tu peux faire comme, OK, on stoppe, on recommence. T'as cette option-là. Ben, c'est ça, c'est la discrétion des gens pour décider qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Le problème qu'on avait aussi, qui est le truc qui m'a le plus stressé dans l'attente de ces 10 jours-là, c'était comme... Oh, ouais, c'est beau, là, mais là, il y a deux semaines plus avancées, on l'a vu, on a entendu le cœur deux fois. Comment ça être rough là, s'il faut comme stopper la grossesse? Ouais, là. C'est ça. À un moment donné, c'est comme... Tu peux comme plus avorter, là. Il faut comme... Je sais pas comment ça marche, mais faut que tu l'accouches, le bébé, là, même s'il est mort. Ouais, non, c'est ça, c'est... C'était comme juste des... Pas des... C'est pas un feeling. C'est pas un bon feeling. Tout, finalement, on a eu le résultat. Au début de mes vacances, j'étais bien content. Ça m'a comme libéré l'esprit pour le reste des vacances. Au moins, là... C'était un bon timing. C'était un très bon timing. On était bien content. Puis bon, tout se continue, puis tout va bien à date. Là, Mais c'est merveilleux, JF. On a eu déjà le premier... T'as un inquiétude, on va aller à l'hôpital juste au cas. Je sais pas si t'as eu ça. Ben, toi, j'imagine, t'étais déjà arrivé. Ben, nous autres, on y allait régulièrement. Ouais, fait, ouais. Caro, on a lu des mots de vente comme « Ah, ça me tire, on va aller à l'hôpital. » Finalement, elle n'avait rien, là, mais... Mais tu sais, c'est... Il te passe vite. Quand t'es enceinte, là... Il niaise pas, mais... On était à Pierre Boucher, puis ça a pris une demi-heure, c'était passé, là. Puis tu sais, c'est votre premier, fait que dans le fond... Mais tu sais pas aussi... T'es mieux de pas prendre de chance, puis de faire dire qu'il n'y a rien... T'as pas de guide, non, que tu dis « Ah, ça va passer, je vais aller me coucher. » Tu sais, c'est la pire affaire. T'as pas de guide, là. Sauf quand tu vas la première fois à l'hôpital, ta blonde a fait une prise de sang, puis qui dit, bon, vous voulez de la lecture, puis donne un guide, ça, des pages de 800 pages. Ouais, honnêtement, j'ai jamais lu. C'est la Bible, cette affaire-là. Je le regardais, je le consultais juste, mettons, si, tu sais, comme, mettons, OK. Quand t'as des questions. Qui pousse, OK, telle page. Fait que c'est comme un annexe. C'est slow, le 9 mois, puis ça va vite en même temps. C'est fou, là. T'as l'impression que c'est slow. Ça va accélérer très rapidement, j'ai l'impression. Pour les autres, mais dans ton cas, là, tu vas voir que tu n'as pas le temps passé du tout. Là. Puis il y a tellement d'affaires à préparer aussi. En plus de la chambre, tu as la paperasse, puis des affaires à regarder, puis congé de maternité. Ouais, ben, tu sais, c'est pour ça que tu y vas petit à petit, puis à un moment donné, mais tout est seté, fait que tu peux te stresser. Tout ce que tu as à te soucier, c'est au début, t'assurer que l'enfant soit nourri, donner de l'amour, puis tout ça, lui faire comprendre que c'est le Canadien de Montréal et non une autre équipe. Fait que tu vas être correct. Je suis en du Canadien. Il y a déjà son pyjama du Canadien qui m'a arraché, fait que ça, on est correct. C'est correct, ça. Ça va prendre un petit jersey des Blue Jays. Ça va être correct aussi. Beau Bichette. On en parlera des Jays tantôt un peu. Barbichette. On va parler tantôt des Jays. On partira là-dessus un peu, là. Mais ouais, fait que c'est mes grosses nouvelles en ce moment. Fait que je suis là-dedans. Là. J'arrête pas d'acheter des pyjamas. On est descendu cette semaine à Ottawa, aller-retour, juste pour aller au Disney Store. Parce qu'on ouais, c'est ça que j'ai fait. Mais c'est ça. Mais j'étais en vacances, puis j'étais comme. Ça se fait bien. J'étais en tête à Toronto, puis tu sais, Caro, t'as pas mangé les ailes de poulet chez St. Louis Grill Barbecue. T'es... Elle avait pas faim, quoi. Elle avait mal au cœur, elle était enceinte, elle commençait. Fait que là, c'est là qu'elle avait. Ok, tu parles du début. Excuse-moi, je pensais que tu parlais de ton voyage. Cette semaine, on est allé pour en manger. Caro a pris, comme j'avais pris une livre. Moi, j'ai été pour le 2 livres, comme une hostie de porc, là. Chris, t'as vraiment un hostie d'envie de chier, même pendant que t'es revenu, genre. Non, ben, quand je. Non, je t'ai pas spéré. Quand j'ai ouvert la porte, il faut que je me dépêche un peu. Ah, parce que mais... ça travaillait fort, moi, juste ce que hey, j'ai deux... mangé, là, j'étais comme tabarnak. J'aurais pris le 1,5, mais j'étais comme, c'est mardi, puis les wings sont à moitié prix, fait que... Ah, c'est magique, là. Wings à moitié prix, Bloody Caesar à 5$, vive l'Ontario pour ça. Ah, il avait l'air bon, j'en ai pas bu, là, mais ça avait l'air... Ouais, mais je veux de l'erreur, de comme j'ai pris des wings un peu épicés, puis mon Bloody Caesar était épicé, fait que ah, tabarnak. C'était juste, j'avais, tu sais, la petite goutte de fond de tête, là, puis les paupières un peu humides tout le temps. Là. Mais t'as pas mangé sa terrasse, t'as mangé en dedans? Mangé en dedans. Là. Ok, ouais, une chance. Parce que... Mais c'est les ailes de poulet. Je remercie. J'ai checké sur notre Facebook. Oui, on a eu nos auditeurs qui nous avaient suggéré une place à Québec, c'est ça? Non, c'est à Montréal, les deux places. Ah! Oh. C'est Étienne Cormier, Mr. Juice, qui nous a suggéré deux places. Je vais juste ouvrir la page. Voilà. Je pense que c'est le Ice House, le premier qui m'a dit. Toi, tu vas capoter si c'est celle-là. Voilà ici. Ouais, le Ice House, cette place-là, c'est une place de poulet frit. C'est Eli à Job qui m'a parlé de ça. Ils servent ton poulet direct sur la table. Une crisse des morceaux de poulet. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on aille là, c'est-tu? Faut y aller en Esti. C'est tout à Montréal. Puis il a dit aussi la taverne Saint-Sacrement. Donc, c'est les deux suggestions qu'on avait de Mr. Juice. Merci beaucoup, Étienne. On va les confirmer. Ces suggestions-là. Choix. Ouais, on ira au Ice House. Ah ben, c'est-tu comme un genre de resto bar que tu peux écouter un événement sportif aussi? Ou... Faut que je regarde, mais si c'est le cas, tant mieux. Sinon, on ira juste manger. On ira manger, puis on ira se péter à l'Arcade Montréal. Comme toujours. Ah ouais. Voilà, fait que ouais, fait que c'est ça, c'est notre road trip de genre aller-retour à Ottawa au Disney Store. Très décevant comparé à Disney directement. Là. Tu sais, le gros c'est pas la même affaire. Le magasin à Disney Spring, là, qui est comme, c'est comme 10 magasins dans un. Là. Chris. Non, non, c'est aucunement. Le pire, c'est que je me suis fait fourrer parce que quand je suis arrivé à la caisse, moi, quand j'ai acheté mes affaires. Là, merci à Kenny Boy, 89 TT, qui dit félicitations. Il dit bonjour les boys, retourne en mode lurk. Fait que lui, il nous écoute, il nous espionne, mais il parle pas. OK, ben. J'aime ça. C'est apprécié. C'est des fans silencieux. Mais ben, ouais, ouais. C'est ça, c'est. Qu'est-ce que je voulais dire, tabarnak? Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'arrive à la caisse pour payer. Plus, c'était dans mon calcul, tu sais, dans le fond, j'additionnais tout le temps les chiffres dans ma tête. Là, je suis comme, Chris, c'est plus cher que je pensais. Je me suis fait crosser parce que je comprends pas pourquoi Xit, ils vont mettre le prix en US puis en canadien. Ouais, il a deux places. Parce que dans le fond, genre, mon gars, il voulait avoir un Old Buster avec Hulk. Probablement parce que l'étiquette doit venir de la même affaire puis les autres savent qu'ils shippent Canada et États-Unis. Fait qu'ils parlent des fois. C'est juste que tu peux pas commander sur le site web et le faire shipper site. Faut que tu fasses deux heures de route, tabarnak, pour y aller. Fait que mon gars, il voulait avoir un Old Buster puis un Hulk en bonhomme, là. Puis là, je regardais ça, je dis, ah, OK, c'est pas si pire, c'est 30$. Mais non, tabarnak, c'est 50$, asti. Fait que là, j'étais comme, ah, puis là, t'es pas pour dire non, là, il est à côté de tout, puis il y a juste sorte que tu lui donnes la boîte, tu sais. Fait que là, j'étais comme, bah, OK, on est en vacances, on va se payer à la traite. Puis là, tu sais, genre, j'ai regretté parce que j'ai acheté des t-shirts. J'ai dit, fuck, je vais prendre des t-shirts, asti. Moi, j'ai gardé la facture parce qu'on va savoir le sexe dans deux semaines. Fait que, tu sais, si jamais c'est pas correct, je retournerai manger des ailes à Ottawa comme un épais, là. Mais non, comme un gars qui sait comme, comme un dieu. Mais il faut se retenir, ça n'a pas de bon sens. Là. Tu retenir de quoi? De dépenser? De dépenser puis d'acheter des pyjamas et du linge d'enfant, puis ça fait juste commencer. Oublie pas une chose, j'ai acheté une salopette de Mickey, puis j'ai acheté un genre de truc que tu mets quand il y a une couche, là, juste le haut, mais la couche attache en dessous. Là, ouais, un cache-couche. Cache-couche un peu, mais c'est comme le suit de Donald Duck avec le petit casque. Ouais, comme, fuck that, je le veux. Là, c'est... Si c'est une fille, tu vas acheter celui de Daisy. Là. Ah, ben si c'est une fille, je retourne, puis je vais prendre la salopette qui s'est marquée All Girls, puis c'est Minnie Mouse à la place. OK. En passant, c'est elle qui fait la voix de Minnie Mouse, elle est morte. Ouais, puis son mari, c'était Mickey. Puis es-tu mort, lui aussi? Ouais, il est mort, il avait comme 8-10 ans. Mais ils sont rencontrés en faisant les voix de Mickey de Minnie. Ah, c'est, wow. C'est cute au bout. Ça finit avec des morts. Ouais, comme tantôt, nos affaires de chiens, ça fait ça que des animaux morts. Ouais, fait que là, c'est ça, c'est faut que tu fasses attention, ben. Ouais, ben là, j'essaie de me calmer parce que je sais que j'ai des meubles à acheter, j'ai de la déco à faire. N'oublie pas que le temps des fêtes, je suis tout le temps arrive chez à grands pas. Ouais, puis il y a le shower, là. Faut que j'organise ça, ça a l'air, là. C'est toi qu'il faut qu'il le fasse, Chris. D'habitude, c'est supposé être des beaux-parents, tu sais, ou les parents. C'est pas ben, c'est moi qui va coordonner qui va le faire ou je sais pas quoi, là. Ben, fais juste déléguer, Chris. Donne ça à ton frère. Hey, il a pas rien. Non, mais mon frère. Oui, Steve, organise-moi ça, tabarnak. Mon frère, c'est le méconium qui va avoir le petit caca de goudron. Là. Je vais y envoyer par la poste. Mais non, mais c'est ça. Ça serait que... Bon, puis il y a la fête avec Caro. Puis il y a Noël qui s'en vient parce que là, ça va se terminer Noël. On n'aura plus de cadeaux. Ils vont tous vous acheter du linge, des genres de tapis avec des affaires. Mais on va avoir un petit bébé du temps des fêtes, là, début 9 janvier, en fait, à la date, dans les prédictions. Fait qu'il y a une mince chance sera un Capricorne, que ça soit crois. Le premier bébé de 2020. Peut-être. Fait que tu auras ma face... Non, c'est vrai, il mettra pas ma face à je moi. Je vais te donner des trucs pour faire provoquer les os comme ça. Ouais. Des fois, il faut faire le saut avec un couteau puis non, pas un masque de screen. Non, pas pantoute, man. C'est... je dis man comme si j'étais un ado. c'est mat, tu veux dire. La meilleure façon de clencher ça... C'est de faire l'acte de l'amour. L'acte de l'amour? Je vais essayer de dire ça parce que c'est un podcast général, me semble. Fait que... Oh, Christ que non. Fait que c'est ça. C'est que si tu fais l'acte Et puis, ça l'aide beaucoup, genre. Pour, ah, mais j'ai pas envie que ça, d'avoir le premier bébé de l'année. Gilbert, ouais, écoutez, il faut être tranquille. Là. Non, mais au pire, mettons, c'est du retard. Mettons, ouais, que, là, mettons que le petit ne veut pas sortir. On verra, là. On verra. Il a l'air bien à date. Le Caro a dit il se fait un coussin avec mes intestins tout le temps, puis il dort sur ma vessie. Là. C'est ça, mais tu vas voir, rendu là, tu penseras à ce que je t'ai dit. C'est pas bien à date. Caro n'est pas là pour témoigner, mais on va le dire tout de suite. D'ailleurs, au mois de novembre, on aura une dégustation de JF, toi et moi, à l'aveugle, de Caro qui va nous faire goûter des. Hey, tu sais quoi, j'ai tellement peur de ça. Des pots de purée de bébé. Ça me prend de la gomme. Hein. Probablement les plus dégueulasses. Caro va pouvoir montrer à l'écran c'est quoi qu'elle nous fait goûter, il faut pouvoir deviner c'est quoi sans vomir. Ou du moins le moins possible. Mais ouais, elle n'a pas eu de goût weird encore. Le pire, c'est que le lendemain matin, on va roter et ça va goûter ça. C'ti. Comme genre poulet petit pois. Et poulet à l'ail. Ah. Mais je sais pas si tellement ton ex, elle avait eu des goûts bizarres de femme enceinte. Là. Pas tant. Genre, des fois, elle mangeait des cornichons avec la crème glacée, genre, c'est pas arrivé. Même que je pense que c'est un mythe. Bon, probablement que c'est un mythe. Quoi que Caro, des fois, elle me bloquait un peu. Là, mais... Moi, c'est juste un moment donné, c'est comme, ah, oh, j'ai goût de manger du McDo, genre, c'était comme la plus belle journée de ma vie, fait que je suis parti en charge chercher du service à l'auto, mais sinon. Caro, quand c'est du McDo, elle dit, ah, j'aime ça, là, des pickles du McDo, fait que je me prends les hamburgers, puis il faut que je mange les hamburgers. Puis extra pickles, puis tu les donnes dans un assiette à part, genre. Ouais. Extra, ça donne un petit bol quand même. Deux pièces de plus pour les pickles. Non, ça coûte rien de plus, je pense, pour les extra pickles. Ah, ok, quand même. Mais non, ben, t'es parti chez IHOP, là, beaucoup. Là. J'avais vu ça de sa vie, puis je me suis dit, moi, il a acheté des IHOP, c'est nutritif, ça. Sais-tu qu'est-ce qui est bon comme yogourt? Des yogourts? Des yogourts? Ouais. Les Danone, mais des pâtes patrouilles. C'est comme un petit peu des mini-go, mais pour adultes, parce que c'est un format qui est plus gros. Je voulais juste en partager. Pâtes patrouilles, tu veux être là-dedans, toi? Ton gars, il n'écoute pas ça. Ton gars, il écoute les Avengers, t'as pas écouté la pâte patrouille. Il écoutait au début, pâtes patrouilles, il trippait bien gros. Puis là, tu sais, il y a ce petit Rocky. Bon, je ne sais plus des noms, tabarnak. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un Rocky là-dedans, là, mais là, il est plus style super-héros. Pâtes patrouilles, mettons, la part, c'est a disparu avec le temps. Mais non, ça, ça n'a pas. Il n'y a rien de vraiment weird. À part, elle a mangé au fond des. Tu sais, des. Quand tu manges un fajitas mou, là, mais elle a mis comme. La sauce tadiki, puis du beurre de peanut. Puis j'étais comme, non. Arc! Non, non, non, non, non, non, non. Non. Yeah, je vais la manger! Oh, ouais, après, arc! Elle en a fait un aussi avec. Arc, c'est-tu après qu'elle a eu les maux de vent, genre? J'espère que oui. Mais non, non. Arc! Elle l'a fait chez ses parents aussi, l'autre fois, quand on mangeait des fajitas, on avait comme. Arc! Tout le monde. Fait que c'est. C'est un mythe, mais ça ne l'est pas en même temps. Mais c'est pas un craving. Elle a juste des goûts bizarres dans la vie. Là, ben, Marie, t'as une rage de. Je sais pas. Ah, ça, avec moi, fait qu'en partant, des goûts bizarres. Là. Ben, c'est. Pauvre enfant qui va partir avec deux prises. Non. Non, mais c'est, mettons, je sais pas moi, j'ai goût de manger des jujubes, j'ai goût de manger des patates frites. Ah, ben oui, elle a eu des envies de quelque chose. Genre, je veux manger telle affaire. Tu manges-tu plus depuis. Non. Okay. Ouais, ben, ils ont dit en plus que c'est un mythe. Ça. Le monde qui dit qu'il faut que tu manges en double parce que t'es enceinte, c'est pas vrai. Là. Ouais, j'avoue. C'est juste que, mettons, si elle te propose quelque chose que t'aimes en partant, mettons qu'elle a dit ah, j'ai goût de manger des bonbons, mais c'est clair que tu revenais avec un chariot plein. Puis là, tu vas peut-être manger un petit peu plus qu'à l'habitude. Là, ouais, non, j'en mangerais déjà beaucoup. Fait que c'est... Non. Tu peux-tu en manger plus que qu'est-ce que t'en manges là? Ou tu ferais genre, tu commencerais à faire du diabète après? C'est impossible, j'en mange plus, je pense. Anyway, j'ai pas de fond des bonbons, moi. Fait que c'est plus ça. Ça ferait rien, j'aurais juste un très haut taux de sucre. Là, mais... Ça doit être plus de bonne humeur, tu sais. Ouais, peut-être, peut-être. Le gars, il dormira pas. Fait que c'est ça. C'est ce qu'il se prépare en ce moment. Malgré tout ça, ça s'est bien terminé. Ben oui, finalement, là, on est en bonne route. Caro est maintenant à 19 semaines depuis jeudi. Donc voilà, dans le deuxième trimestre. T'es dans un langage d'être humain, 19 semaines, c'est combien de mois, ça? C'est 4 mois et demi. Ben voilà. Le rendu au stade, qui a failli acheter un coussin parce que la banane, il fait mal sur le côté un peu, puis ça paraît. C'est correct. Tu sais, là, elle a l'air d'avoir abusé un peu des gâteaux. Là, t'as-tu de la place pour dormir? Non, mais ça, c'est pas grave. C'est le rôle du père, le sacrifice. Le rôle du père, c'est de faire des bains moussants puis de dormir sur un millimètre de lit sur le coin de côté pour que le chat puis elle dorme. Là. C'est pour ça que je pense que les personnes, les hommes surtout, ont des problèmes de dos plus tard. Peut-être, peut-être. Ma job sera après, anyway. Ma seule job, c'est qu'elle soit bien, puis c'est ce que j'essaie de faire le plus possible. C'est correct, ça, c'est le support. Fait que je donnerai un suivi au pire à Josette sur les prochains mois qui s'en viennent, puis ça, on aura notre dégustation dégueulasse de petits pots de bébé. Là. J'espère qu'elle va prendre les pires. Non, les pires? Ben, pour le monde, au moins, faire un bon show. Mon Dieu, Jeff, OK, c'est ça, là, j'exige un saut. Je donnerai au pire l'endol Twitter de Caro au monde, aux fans qui envoient des suggestions de quoi nous acheter. Là. Oh, j'aurais pas tu peux pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Il y a toujours une petite cave qui va mettre de quoi de dégueulasse. Là. Ouais. Genre, je fais déjà pas confiance à Matt Lamar. Le Chris. Bon, ben, on peut bien partir sur ce show-là. Fait quand même 40 minutes qu'on parle de bébé. En passant, JF, Andrew, qui est un auditeur de LSDP, t'a fait dire félicitations. Ben, merci, Andrew. Pour ce qui arrive présentement. Andrew Williams, un auditeur qui nous a découvert par LSDP, qui écoute la jasette. C'est mon comptable. Pour ceux qui cherchent un comptable efficace, Andrew Williams. Il dit Schwartz ou Dunn pour le smoke meat. Ouais, ben c'est comme deux classiques, ça. Là. Schwartz, là, j'ai été une fois et j'étais tellement déçu. Dunn, il y en a un sur Tachereau, je crois. Puis je sais que des fois, il y a du monde du garage qui va manger là parce qu'ils sentent ça après. Puis ça là, c'est super bon. Le meilleur smoke meat au Québec, c'est Joe le smoke meat. Malheureusement, il l'a juste à deux places. Il avait à Longueuil avant. Ça a fermé, mais sinon, c'est à Baie-Saint-Paul puis à la Malbaie. Fait que faut que tu fasses beaucoup de char pour aller manger ça, mais c'est le meilleur Christy spaghetti smoke meat que tu n'auras pas. Je sais pas si ça existe encore, les restaurants de Nichols, mais il y avait un bon spaghetti smoke meat là, dans le temps aussi. Là. Fait que je sais pas. Il doit en rester un à Montréal, dans le centre-ville, quelque part. Là. De Nichols, est-tu encore ouvert? Il me semble que oui. C'est à côté du Super Sex, ça me semble. Ah, je sais pas. J'ai pas ces référents-là. C'est ouvert, c'est encore Super Sex. Je connais pas. Je sais pas. Mère, écoute le podcast, JF. Oh, excusez. Non, mais c'est parce que quand tu passais par là, Super Sex, c'était écrit comme Superman, mais il changeait le man pour sexe. Voilà. Fait que quand t'es jeune, mais je pense que tu poses des questions c'est sur c'est quoi qui se passe. C'est dans ce coin-là. OK, c'est ça. Mais en tout cas, on va dire Duns, mais je n'ai jamais été à ce Duns-là. Mais Schwartz, j'étais déçu. Je sais que le Duns, il y a bien du monde qui a aimé ça. Mais un smoke meat, dans le fond, là, si je peux donner un conseil à tout le monde, un smoke meat, c'est jamais assez. Fait que je vous suggère de manger ça à deux. Prenez trois smoked meat. Puis ce serait un smoked meat et demi chaque. Avec ça, vous allez avoir c'est parfait. Le sandwich smoked meat, je trouve ça plate en général. J'aime mieux le spaghetti smoked meat. Je suis un gros fan de spaghetti en partant. Fait que moi, mets-moi un Giorgio. Ouais, ben, comme la poutine smoked meat qu'il y avait chez McDo, toi, tu capotais. Ah, ça, c'était fou. Là. C'était qui déjà celle-là? C'était Petrie, ouais. C'était pas Petrie. Quand il a signé son nouveau contrat. Ouais, on a dit au début du show, Jeff, qu'on a un Patreon. D'ailleurs, je remercie tout le monde. Vous voyez mon cher RZO. C'est grâce à vous, les Patreons, les quelques Patreons qu'on a, si la plateforme est toujours ouverte, parce que ça coûte cher. Je suis content de ne pas avoir à tout débourser de ma poche. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bière-là? mais on avait des questions du public, puis on va commencer par ce qu'on avait sur Patreon, Jeff. Il y a Mathieu Bilodeau qui dit « Bonsoir les gars. Depuis quelques podcasts, vous discutez de comics, et c'est vraiment très intéressant en passant. » Je voulais savoir d'où provient cet amour pour les comics et les univers de DC Comics et Marvel. Puis après ça, il voulait qu'on parle un peu de nos appréhensions pour le futur des Avengers puis qu'est-ce qui s'en vient. Je pense que si on en a parlé avec Guillaume quand on a fait l'épisode sur Endgame. Ben là, dans le fond. Est-ce qu'on pense que Morgan, la fille d'Iron Man, va être dans les Avengers? Je pense que ça va devenir Ironheart, à un moment donné. C'est comme inévitable, d'après moi, on dirait. C'est ça. Dans 10 ans, dans 8-10 ans, ça va être cette génération-là. Déjà que Pepper Potts, c'est Rescue, tu sais. Fait que, d'après moi, à un moment donné, tout est possible. Puis je pense que ça serait logique de le faire. Puis ils vont probablement caster, mettons, une jeune ado pour faire comme Ironheart à l'adolescence, naturellement. Peut-être elle qui va être rendue plus vieille, je sais pas. On verra. Ben, ouais, probablement, ça pourrait être possible aussi, là. Antoine Stee qui dit que les pâtes, c'est tellement la meilleure affaire. T'as tellement raison. Les pâtes. Manger des pâtes, c'est la meilleure affaire au monde. Ah, c'est sûr, tu te casses pas la tête avec les pâtes, là. Comme moi, ces temps-ci, j'ai une phase que je mange, je te dirais, un dimanche sur deux du spaghetti avec la soupe Campbell, puis j'aime bien ça. Comme Elvis Graton. J'aime ça! C'est non, facile à faire. La meilleure sauce, c'est celle de Giorgio qu'il y a chez IGA. Ouais, il n'y en a plus au Walmart parce que je fais mon épicerie. Depuis ce temps-là, j'ai reviré en Campbell. Va pas chez Walmart, point. Ils sont pro-gun, mais ils vont cacher les jeux qui ont des images violentes dessus. Ça, c'est juste aux États-Unis. C'est des épais, pareil. Ça reste dans la même compagnie. Là. Ça n'a pas c'est de bon sûr, sens. C'est là. Sûr. Pas comparé à ça. Mais bon, c'est ça. Mais par rapport à notre amour des comics, puis de DC, puis Marvel, ça vient de où? Je sais pas toi, là. Ben moi, dans le fond, c'est à cause des cartoons du samedi matin, tu sais. Ouais, je pense que c'est plus ça, moi aussi. Je n'écoutais de tout ça parce que dans ce temps-là, genre, mettons, quand j'ai commencé à les écouter, je lisais pas tant. J'en lisais pas des comics quand j'étais jeune. Je lisais du franco-belge. Moi, je lisais genre Tintin, Astérix, Garfield. Ouais, c'est ça. Les tuniques bleues. C'est ça, mais pour Marvel, dans le fond, moi, j'ai toujours trippé ces bonhommes qui jouaient le samedi matin. Puis, dans le fond, je te dirais, tu sais, honnêtement, les comics, mettons, une fois de temps en temps, on en avait quand on était jeune, mais j'ai vraiment commencé à collectionner ça, et ça va faire, je te dirais, 3 ans à peu près, là, quand que le Rebirth a commencé. Ouais, ouais. Parce que, tu sais, j'aime lire. tu sais, je lis le journal à tous les jours, tout ça, mais c'est juste qu'à un moment donné, je cherchais un bon livre à lire. J'ai essayé de lire Fifty Shades of Grey, qui est la pire erreur de ma vie. Après ça, je lisais du Michael Connelly, parce que j'aime beaucoup les polars. Ouais. Sauf que je me suis aperçu que, sacrément, des fois, quand, mettons, je lis, là, après ça, je me mets à penser à quelque chose, puis là, il faut que je recommence ma page, ouais, parce que j'ai comme... Décide attention. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, ah! Ça, c'est nos téléphones, puis... Fait que là, j'avais commencé à acheter des trades. Puis là, après ça, j'ai commencé à réaimer aller parce que dans le fond, non seulement je lisais, mais je tripais aussi sur l'art. Fait que c'est là que j'ai commencé à collectionner DC parce que je connais mes personnages, je les aime beaucoup. Puis Marvel aussi, je les adore. Je lis pas beaucoup d'autres choses en BD. Je vais en lire si les gens m'en suggèrent. Mais, tu sais, comme là, à chaque fois que là, ces temps-ci, là, si je tombe tout le temps sur des coups de circuit, là, je lis des runs d'événements. Comme là, je lis DC Metal, là, qui est un événement qui va changer l'univers au complet de DC. Puis, Chris, que c'est compliqué un peu, là, mais sacrément que c'est cool. Là. Tu sais, à un moment donné, là, il y a comme une image qui se passe, c'est comme tabarnak! Puis là, après ça, t'as une pub de Snickers. Là, t'en tournes la page, j'ai comme, OK, c'est ça qui arrive. Puis, t'as le goût de manger du chocolat après ça. Ouais, ben c'est ça. Puis là, c'est comme Wonder Woman qui capote parce qu'elle a faim. Fait que, tu sais, Snickers, quand t'as faim, genre, tu comprends, là. Puis là, c'est elle est comme Doomsday. Puis là, Superman, il donne une Snickers. Puis là, elle redevient Wonder Woman, genre. Fait que c'est drôle. Mais non, ça vient de là. Moi, je pense que ça a pu se rembarquer, là, 7-8 ans, quand j'ai commencé à écouter les Mystérieux Étonnants. Je trouvais qu'il faisait des bonnes critiques puis des bonnes analyses de autre chose que des comic books de super-héros que je lisais pas tant. Fait que j'ai comme rembarqué dans graphic novels puis dans des... C'est vrai qu'ils sont bons pour nous faire découvrir des choses, dans le fond, qu'on n'a pas entendu parler. Ils font une bonne pub pour ça. C'est ça. Puis dans le fond, là, ce que j'ai découvert, surtout pour DC, là, je me souviens plus du nom de la personne, là, parce que je suis pas très bon pour tenir les noms de ces artistes-là, mais t'en as un qui est québécois, qui a travaillé sur Swamp Thing, qui a travaillé sur Wonder Woman, qui était en entrevue à une Mystérieuse Étonnante. Fait que, si eux autres, ils n'auraient pas parlé de ça, j'aurais pas comme porté attention à ce gars-là, puis j'aurais pas acheté ses BD, mettons des BD ou ce qu'il participe. Mais c'est ça, moi j'ai recommencé à lire du franco-belge, puis des BD en anglais aussi, des graphic novels en anglais, pas de super-héros, plus d'histoires contenues. Là, puis Guillaume, qui est avec nous autres souvent au podcast, quand il m'a vu recommencer à lire, lui, c'est un fan fini depuis toujours de comics. Là, lui, il pouvait t'en sortir lui, des suggestions. Là. J'ai dit, j'ai le goût d'embarquer dans les comics de Marvel puis DC parce que j'aime les univers, je connais quand même les personnages, puis les jeux, puis les émissions de télé quand t'es jeune. Je veux en savoir plus. Comment j'embarque là-dedans? C'est compliqué. Il y a beaucoup de stock. C'est de la misère à embarquer. Il m'avait pointé sur la run de Green Lantern Rebirth de Geoff Johns. Puis là, j'ai capoté, mon gars, quand j'ai vu ça. Ça a été, mettons, le deal breaker. Ça a été un déclic. Je suis comme, OK, là, il y a du Christ de bon stock qui se fait en comic book. C'est pas juste pour enfants ou c'est pas destiné à un public jeune nécessairement tout le temps. OK, j'embarque. Puis ça tombait en même temps que j'ai fini ça, qu'il y avait le New 52 qui commençait. Fait que j'ai commencé avec le New 52 à rembarquer dans les comics. Là, j'étais dans les singles. Là. C'est pour ça que j'ai deux grosses caisses en arrière de singles que j'ai lues. Puis là, j'ai acheté Spider-Man. J'ai acheté toutes sortes d'affaires. Puis là, j'ai arrêté parce que ça finissait par s'empiler. Puis j'étais à pas dans toutes les lits. Puis là, j'ai tombé plus dans les trades. Là, fait. Mais ouais, non, c'est ça. J'ai toujours un intérêt pour la lecture. Puis les super-héros. Puis ça a comme survenu avec l'âge, là, j'ai l'impression. Trop jeune, je lisais pas en anglais. Ça me tentait pas. C'était. Non, c'est ça. Moi, je lisais en anglais, mais surtout genre des BD ou ce qu'on lisait, mettons, dans nos cours d'anglais qui est obligatoire, des Garfield. Là. Mais après ça, tu sais, je commençais à lire des livres de poche en anglais parce qu'ils étaient moins chers que le livre traduit en français qui était comme le format géant, là, qui était comme 30 piastres. Le livre de poche coûtait 10 piastres. Fait que je commençais à lire des livres de poche, mais Asti, qu'après ça, je commençais à penser, bon, pourquoi qu'elle me rappelle pas, elle, Asti? Puis, ah, j'ai-tu oublié de faire telle affaire? Là, j'étais pas porté attention. Pendant ce temps-là, tu sais, dans le livre, tu lis, c'est quelqu'un qui est en train de déchiqueter quelqu'un qui a un couteau. Je sais pas. Je perdais le fil. Parce que peut-être que je lisais trop tard et j'étais fatigué. Mais il y a tellement de bons stocks à lire. Là. C'est fou. Là. Lisez tout le monde. Lisez. C'est important. Ça développe le cerveau qu'on m'a dit à l'époque. À un moment donné. Là, quelqu'un m'a dit ça. Là. Ouais. Mais ça lâche pas. Là, j'aime beaucoup plus les comic books de DC, mais j'aime mieux les films de Marvel. Je trouve que les comic books de Marvel sont moins deep souvent que ceux de DC. Ben là, tu vois, parce que là, Marvel Comics ont décidé de suivre un peu sur la même lignée que DC, parce que DC, ils ont fait le New 52, puis après ça, ils ont fait le Rebirth. Qui est reparti un univers au complet. Après ça, le New 52, excuse-moi, c'est ça, le Rebirth est reparti, fait que là, j'ai commencé. OK, ben je vais partir là, ma collection pour les lire. Je te dirais que DC, tout dépendant du personnage que tu lis, c'est vraiment plus une lecture pour adultes. Parce que tu sais, il y a de la violence, tu as de l'humour. Tu sais, je lis les Teen Titans. Puis il y a quand même des bouts, là. C'est comme, OK, Chris, il y a du sang, puis tout. Mais c'est bon parce que c'est plus drôle parce que Damien, c'est un esti genre. Ah, c'est il un, fou, c'est un, c'est un trou de cul, là. Tu sais, il se crise de tout le monde. Dans la run que je lis, genre, Kid Flash a juste comme fait une gaffe que n'importe qui aurait faite. Puis tu l'as collé dans des Teen Titans. Wow. Puis c'est vraiment, genre, il se crise de tout. Puis Marvel Comics, ils ont refait leur nouvelle run. Ils sont repartis à un Amazing Spider-Man, tout ça. Je l'ai lu. C'est beaucoup plus léger comme lecture, mais Chris et deep en esti. J'ai parlé du Deadpool aux dernières choses. Ouais, Deadpool, c'est un peu à part, je trouve. Là. Le Avengers, que je lis, la nouvelle run des Avengers, ça me fait penser à DC parce qu'il y a beaucoup de stock. C'est compliqué un peu. C'est pas pour tout le monde. Ouais, ouais. Amazing Spider-Man, c'était super léger. Puis là, j'ai acheté les nouvelles runs. Là, on est en train de repartir les X-Men. Là, c'est The Power of X puis The House of... non, excuse-moi. Power of Ten et House of Ten. Ouais, c'est ouais, comme ouais. Pour redéfinir l'univers des X-Men puis ils vont repartir là-dessus. Et avec le même comme cover art que t'es sûr de mélanger tout le monde, là. Ouais, c'est ça. Par ça, là, comme mon libraire, si je peux l'appeler de même, il me disait « OK, ben ça, c'est toutes les séries X-Men. » De comic. C'est laquelle que tu sais. Fait que moi, j'ai décidé de comme poursuivre avec X-Men, l'original, mais je ne commencerai pas à lire les aventures d'un tel, pis ci, pis ça. Là. Moi, je veux avoir la version originale, puis lire de ça. Puis même, j'ai lu Venom, puis Venom, on dirait c'est une BD d'horreur. OK. C'est vraiment... T'en as pour tous les goûts, Jim. Ah, il y a beaucoup de stock, là. Fait que c'est ça qui est intéressant. Si tu fais un peu de recherche pour savoir quoi lire, puis après ça, quand tu trouves ton style, ben là, il y a plein d'affaires que tu peux lire. Oui, parce que moi, dans le fond, je vais spotter surtout la personne qui écrit. Puis là, en plus, je suis content parce que cette semaine, je suis allé chercher une nouvelle run qui est sortie. C'est Absolute Carnage. Carnage est sur une run... un rampage de comme un tueur en série, il tue tout le monde qui ont porté le symbiote. Ah ouais. Fait que c'est ça l'histoire. Fait que ça, j'ai nice. Hâte de lire ça. Puis c'est la même personne qui a écrit les Venom. Monsieur Hates ou quelque chose comme ça. Donnie Hates ou whatever. Ben voilà. Et yes. Lisez ça. Mais je pense que les singles, c'est plus pour les collectionneurs, là. Mais j'aime quand même le feel d'un single. C'est le fun à lire. Ben moi, le matin, ce que j'aime, c'est de me mettre dans ma table de salle à manger. Là, je lis. Moi, je peux pas le lire comme ça parce que je veux vraiment comme tout regarder mon image avec un bon café à côté. Ben, c'est ça que j'ai fait pendant toutes mes vacances. Je m'assoyais ici où c'était assis en fait avec mon café, puis j'ouvrais un single, puis je le lisais tranquille. Là. Ah, tu savoures ton single. Ouais. Là. C'est là que j'ai lu la run Hulk Smash The Avengers. Puis c'était comme trippé, une, c'était une limited run, comme c'était un 5 issue. Mais c'est là que je me suis rendu compte que ça faisait pas de sens de lire des singles pas dans un ordre précis parce que ça se passe entre genre Avengers numéro 7 et numéro 14. Il y a des références à d'autres affaires. Je suis comme, d'où ça vient? Puis l'histoire finit, puis ça finit super sec. Puis ça finit comme le Red Hulk est là, puis t'as comme Banner, il dit « Ah, je sais c'est qui le Red Hulk, mais je vous le dirai pas. » Ben, c'est comme le issue qui sort tellement flashé. J'ai les 5 issues, je sais pas c'est qui. C'est pour ça que moi, je vais toujours lire à partir du 1. Ouais, ben c'est ça. Même s'il y avait du stock avant, dans le fond. Mais c'était de 1 à 5, mais c'était un limited 1 à 5. C'était comme une série qu'on. Fait que c'est comme peut-être sorti série. C'était entre le numéro 7 et 14, mais c'était une histoire à part qui se passait pendant qu'il y avait d'autres affaires qui se passaient ouais, à Avengers. Ouais, ça arrive souvent, fait, ça. En tout cas, je suis allé voir sur Wiki, finalement, le Marvel Fandom Wiki, je sais pas quoi, là, puis pour voir c'était qui, le Red Hulk. Mais je le sais, à cette heure. General Ross. General Ross, le père à Betty Ross. Exactement, le beau-père. Ouais, puis il y avait, je me souviens plus du nom, là, un genre de Hulk mafieux là, à Vegas. Ah, là. C'est. Ah, Chris. C'est pas. Ah, Calis. J'ai un blanc. Moi aussi. Puis on en a parlé cette semaine, c'est ça le pire. C'est ça, marrant. C'est ça qui arrive. Joe Destruction. Pas Joe Dirt, esti. Non, Joe. Ah, Joe Execution. Ah, c'est quoi, esti? Call. M'en aller voir, là. J'ai l'air d'un cave, là. Hulk. Joe. Joe Fixit. Joe Fixit. Non, c'est pas Joe Fixit. Joe Fixit, c'est le petit bonhomme dans. Mais non, je dis, c'est Hulk Joe Fixit, c'est ça. Mais non, Joe Fixit, c'est le c'est, ça se peut pas, Chris. C'est le petit bonhomme dans Wreck-It Ralph, là, qui arrange les buildings, là. Non, ça c'est juste. C'est pas ça, mais c'est vraiment. C'est peut-être peu. C'est lui, là. Joe Fixit. Bruce Banner, là. Tu vas l'avoir dans les images, là. C'est comme un genre de Hulk gris-noir, puis c'est un mafieux, là. Christian, OK, j'avais pas allumé. C'est... Joe Fixit, check. Je vais le montrer ah, okay. À l'équipe. Il s'habille chez Moores. Il travaille à Vegas, mais c'est pas un méchant genre en tant que tel. Il protège ses assets. Il est juste là pour pas que la marde pogne, lui. Mais il a l'air d'être puissant. Mais j'ai découvert dans cette run-là. Dans les histoires, là, un moment donné, Wolverine, à un moment donné, il se fait poser la question, on dit, c'est qui ton plus redoutable adversaire? Puis il dit, c'est Joe Fixit. Parce qu'il ralentit jamais. Genre, fait que Wolverine, genre, c'était son plus grand adversaire, c'était lui qui avait admis. Puis même cette semaine, genre, pour ceux que ça les intéresse, ils ont enfin... comment tu appelles ça? Mettons, quand tu clores un débat. Okay, ça, ils ont clos le débat. Ouais. Où ce que c'était qui était plus fort entre l'incroyable Hulk et The Thing? Et finalement, c'est, tout ce que je te dis, ouais, vas-y. C'est The Thing. Pour vrai, ah, parce ouais. qu'il y a eu une bataille dans un des singles, puis The Thing, il a crissé un gros coup de poing sa gueule à Hulk. Il a perdu connaissance. Puis c'était tellement puissant, son coup de poing, que même il y a eu de la pierre qui a craqué, puis ça a tombé du bras de The Thing. Nest shot, là, puis il l'a cogné. Puis c'est là qu'on déclarer que The Thing est plus fort que Hulk. Ouais, mais The Thing, il peut-tu snapper le Infinity Gauntlet, lui? Je sais pas s'il pourrait, mais juste Dr. Banner. Ou s'il va tout se retrouver genre en pierre. il va devenir comme quand il s'évapore genre, avec après le sable. prochaine question du public qui nous vient de notre Facebook, de Antoine Auclair, monsieur Antoine City d'ailleurs, qui est présent dans le chat sur Twitch. Yes. Vos surprises et vos déceptions de l'été. Puis lui, il met ça très vague, genre, tu sais, actualité, événement, film, n'importe quoi. Je suis allé voir finalement Menteur avec Louis-José Hood, puis c'était très bon. Pour un film québécois, j'étais surpris parce que c'est pas mon genre d'aller voir ça au cinéma, puis j'ai été agréablement surpris. Puis j'avais pas vu de trailer, rien, fait que je pense que ça l'a comme aidé à savourer le film. Ben moi, j'avais vu le trailer, puis j'étais comme ça, d'être Louis-José Hood qui fait du Louis-José Hood, puis c'est un peu ça, mais c'est quand même bien fait, puis c'est intéressant. Là. Il y a le multiverse là-dedans, c'est hot. Là. Ah, c'est. Le multi-chose. C'est quoi le peu qu'on entend? C'est Caro qui ferme des robinets en haut, ici, tout va casser. Puis, moi, je te dirais plus peut-être, c'est-tu juste les déceptions ou vous voulez savoir c'est quoi nos c'est up and down? Surprise, ben up and down, c'est surprise et déception. Surprise, l'été qu'on a eu. Ouais, mais on s'est inquiété pour rien, mais j'ai toujours dit que ce qui arrive avec le réchauffement, c'est que ça élimine l'automne puis le printemps, moi, je pense. Là. Ouais, ben oui. Ce qui est grave quand même, parce que aujourd'hui, j'ai vu un post de Leonardo DiCaprio, puis ça disait que le mois de juillet était le mois le plus chaud de l'histoire de l'humanité. Ouais, mais t'as vu ça de Léo? Il y a peut-être sur Instagram. Ouais. Léo, il aime ça. Il poste tout le temps genre des affaires sur l'écologie ou des baleines. Fait que c'est ça. Quand il n'est pas en train de sortir avec 12 top modèles en même temps. Là. Ouais. Mais là, je te dirais que moi, dans le fond, si je. Tu sais, des hop, dans le fond, c'est sûr, tu sais, j'ai eu du fun cet été, là, je le cacherai pas. Fait que moi, je dirais que ça serait plus l'été. Mais si j'ai des déceptions à faire, à part Matt Lamar, je te dirais que c'était. Moi, j'étais allé voir presque tous les films au cinéma qui sont sortis, là. Ouais, ouais. Puis vraiment, j'avais des attentes pour Men in Black International. Ouais, c'est vrai que c'est pas bien. Quand j'étais allé le voir, là, j'étais vraiment déçu. Tu sais, mon gars voulait aller le voir. Puis mon gars, il trippe sur tous les films. Fait que c'est pas une référence. Mais moi, dans le fond, je me dis, OK, cool, ça va être un genre de Chris Hemsworth drôle, parce que je le trouve drôle comme personne, mettons, dans ses films. Ah, il est très drôle, ouais. Fait que je dis, OK, c'est cool, tu sais, Men in Black, dans le fond, ça peut être aussi bon que le premier, au moins. Je pense qu'on va avoir quelque chose à faire avec ça. Mais est-ce que c'est ennuyant? Tu sais, quand c'est rendu, tu regardes ta montre puis tu t'aperçois que le film fait juste 10 minutes qu'il a commencé. Hey là, boy. Ça va pas bien. Puis le pire, c'est que j'avais oublié que Liam Neeson joue dedans. Puis je crois que je vois Liam Neeson, tout ce que je pense, c'est à son pénis. Fait que c'est vraiment, ça a vraiment pas aidé. Ouais, Liam Neeson qui aurait le plus gros pénis à Hollywood, ça a l'air. Ouais, fait que, écoute. Puis après ça, tu sais, là. Selon Hollywood Babylon. Tu sais, il y a comme un comédien qui joue dans Jurassic Park, qui fait un méchant dans Jurassic Park. Fait que là, tu vois qu'il fait un agent, puis il y a comme un traître dans l'équipe. Fait que c'est comme, c'est sûr que c'est lui. Il fait tout un méchant dans tous les films. Fait que ça compte pas aider. Fait que non, écoute, même toutes les affaires qu'ils ont faites, genre pour boucler le plot story. Rien de net boot. Puis le pire, c'est que je vais probablement l'acheter parce que j'ai toute la collection des Men in Black chez nous. Fait que ça me prend celle-là naturellement. Là. Mais non. Juste la veille, j'avais écouté Men in Black Back in Time. Ouais. L'as-tu vu celle-là? Non, je pense pas. J'ai pleuré, mon gars, à la fin. Là. Puis le pire, c'est que genre une semaine plus tard, il a joué à TVA. Puis là, je l'expliquais à ma soeur. Puis j'ai exigé de changer de poste parce que je vais pas pleurer devant ma soeur. Asti que c'était triste, man. Calisse que c'est triste. Pas vu. T'as pas vu Men in Black? Ben, pas celui-là, non. Ah, écoute, Léa, honnêtement, c'était Men in c'est Black. C'est quoi, c'est le 4, ça? C'est le 3. Le 3? Ah, avec Josh Brolin, dans le fond. C'est comme... je l'ai vu, dans le Tommy fait. Lee Jones, il disparaît du temps. Fait que Will Smith doit retourner dans les années 60 pour aller sauver la vie de Agent K, qui est joué par Josh Brolin okay. dans ce temps-là. Puis là, c'est cool parce que dans le fond, tu vois tout le temps, il n'arrête pas de demander « Pourquoi t'es bête de main? Tu souris jamais? Tu manges des tartes avec des tranches de fromage Kraft? C'est dégueulasse. » Puis là, tu te rends compte vraiment de pourquoi que Tommy Lee Jones est devenu genre, tu sais, bête comme ses pieds dans l'histoire. Parce que, tu sais, Josh Brolin, il fait comme, il sourit plus, puis tout ça. Fait qu'il dit, hey, Chris, il est arrivé un événement. Puis cet événement-là, pour ceux qui l'ont vu, là, asti que j'ai pleuré, mon gars. J'étais tout seul chez nous, j'écoutais ça en 3D, puis j'ai broyé, là, comme jamais. T'as broyé les lunettes 3D. Ah, ben c'est sûr, ben, dans ce sens-là, ça devient embué. Fait que là, il faut que tu t'essuies. Mais non, c'est ça m'avait affecté, puis c'est pour ça que ça m'a fait chier. Men in Black, là, pire déception de l'été, là, c'est vraiment ça. Ah ouais. Puis le pire, c'est que c'est considéré, mettons, côté monétaire au box-office, là, une des pires déceptions de l'été. Puis je te dirais ça au même niveau que X-Men Phoenix, qui était un film inutile. Puis la fin qui m'a fait chier, c'est que les Skrulls sont dedans. Ah ouais? Ouais. C'est-tu les mêmes Skrulls que dans les Avengers? Ils sont faits plus... tu vois pas vraiment, me semble, leur peau, là, mais c'est comme un Invasion qu'ils voulaient faire. Le prochain X-Men qui devait sortir, ça devait être un Invasion avec les Skrulls, justement. Mais, tu sais, je suis allé voir le film parce que mon fils voulait aller le voir. Puis pour moi, c'était juste pour dire, bon, ben au moins, je vais l'avoir vu pour voir ce qu'il en était. C'était pas méchant, mais c'était comme... c'est un film qui s'oublie vite. Bon, ben là. Tu sais, c'est comme, OK, regarde, là, on a passé à un autre chose. On peut-tu voir un film X-Men avec de la couleur? Anyway, le X-Men, il est temps qu'ils mettent de côté un petit peu, qu'on les oublie puis qu'ils reviennent en force là, plus tard. Ah, moi, je te dirais que ça pourrait prendre. Ça me dérangerait pas que ça prenne, mettons, le même temps que ça a pris pour rebooter Spider-Man entre Andrew Garfield puis Tom Holland. Je pense que ça a pris 3 ans puis pouf, si. Ça a pas pris 10 minutes. On a tout oublié. Je sais pas, je les ai même pas vus, ces deux Spider-Man-là. Ça a été tellement. Ah, vite. Jeff, c'est dégueulasse. Ah, mais ben, j'ai vu Caro l'écouter l'autre fois un peu à Netflix. Si on a... Mais voyons donc, si. Si on a un commentary à faire, il faudrait qu'on le fasse sur The Amazing Spider-Man. Là, surtout si je ne l'ai pas vu. Là, parce que c'est fucking dégueulasse, man. Rhino, à un moment donné, genre, il se fait baisser culotte. C'est Paul Giamatti qui fait Rhino. Là. Puis c'est Bobette, là. Il y a des rhinocéros puis des cœurs dessus. Mais hey, tu peux me dire, c'est quoi cette affaire-là, tabarnak? Je sais pas, mais j'ai commencé finalement Spider-Man sur PS4 après que Bruno le vantait à Rétro Nouveau, puis tout le monde m'a dit que c'était écœurant. Puis... Bon, puis t'as vu ça? Lisse que c'est bon. Ben oui, c'est genre... Il n'y a pas un autre jeu de même. C'est comme GTA avec Spider-Man. C'est exact. C'est fou raide, ce jeu-là. J'ai pas été capable de le lâcher. Ben en fait, j'ai lâché au milieu de la semaine parce que... T'avais des choses à faire. Ben j'avais un jeu, parce que j'ai des jeux à critiquer à Rétro Nouveau. Faut que je me trouve un jeu à chaque 2 semaines. Fait que là, j'avais quelque chose qui sortait que j'ai critiqué. Puis d'ailleurs, c'est c'est la troisième question qu'on a de Alex Fiction sur Twitter qui nous a dit No Man's Sky et la progression du jeu depuis son lancement. Il dit, je sais qu'il y a Rétro Nouveau et pas du casque obligatoire, mais c'est d'actualité. Effectivement, puis je vais en parler aux 2 autres projets aussi, fait que je ne m'éterniserai pas. Si tu permets, déjà, pendant que tu débutes l'introduction, ouais. Je vais juste me verser une deuxième bière. Vas-y. Dans le fond, je pense que tu dois avoir assez de jeux avec tes écouteurs, là, puis te rendre jusqu'au frigère à la bière. Mais bon, No Man's Sky, c'est un jeu qui est sorti en 2016 par la compagnie Hello Games. Et puis, la promesse de ce jeu-là, JF, c'était que tu étais un voyageur de l'espace. Et puis, tout est comme... généré de façon aléatoire. Puis il y a comme infini de planètes puis de systèmes solaires à visiter. Puis faut... C'est un jeu d'exploration, dans le fond. On va mettre des images, dans le fond, pour que le monde voit en même temps c'est quoi. Voilà. Donc, c'est procédural. Donc, tout ce qui est genre chaque animal, les types... Le système solaire n'est pas pareil pour tout le monde quand tu joues, dans le fond. C'est... Ça, c'est sorti, là. C'est sorti en 2016, ça. OK. Puis c'est ça, parce qu'Alex, il veut qu'on parle de la progression de tout ça, mais... C'est toi qui joues, c'est un. Non, c'est les trailers que j'ai mis bout à bout pour montrer qu'est-ce que c'est. No Man's Sky Beyond, qui est l'expansion qui est sortie cette semaine. Là, tu es en virtuel, mais dans le fond, tu vois le bonhomme. Fait que tu joues avec le controller de PlayStation. Tu n'es pas en virtuel, ça c'est juste en normal. Parce que quand c'est sorti ce jeu-là, ça j'explique, c'est un jeu que tu explores des planètes. Dans le fond, faut que tu scannes l'environnement. C'est un jeu de gestion de ressources, puis de comme, OK, j'ai besoin de tant de calcium pour faire partie de mon vaisseau. Mais t'as pas vraiment de bataille, là. Il y en a, il y a des batailles dans l'espace, tu peux te battre contre des animaux, tu peux rider des animaux aussi. Puis c'est un jeu qui était juste, comme tu vois là, en troisième personne. Puis l'expansion cette semaine qui est sortie gratuite fait que tu peux jouer en VR maintenant. Donc, tu le vois pas ça. Tu vois vraiment. T'es dans le jeu. T'es le bonhomme qui courait. T'es le bonhomme qui courait à la place. Tout est vraiment en fait upscale. Fait que tu vois tout en grandeur. C'est un update qu'ils ont fait ou c'est genre un autre jeu? Non, c'est un update. C'est juste des updates gratuites qu'ils font. Puis c'est ça parce que le jeu, quand il y a. En fait, ils disent que pour que quelqu'un voit toutes les planètes qu'il y aurait dans le système solaire de ce jeu-là, ça prendrait 585 milliards d'années. Là, c'est comme... Puis j'ai vu la map cette semaine quand j'ai commencé à jouer, puis j'étais comme, OK, ça n'a aucun crise de bon sens. Il y a du stock, là. C'est juste des planètes comme... Tu sais, tu zoom out, puis c'est la galaxie. Parce que la galaxie, tu vois, quand je vois le logo, là, je me dis, OK, Chris, j'ai déjà vu ça, cette pochette-là. Ouais, mais ça fait quand même 3 ans que c'est sorti, puis... Tu sais, c'est pas un jeu vraiment pour tout le monde, là, parce que c'est très, il y a comme pas de but en tant que tel, à part explorer des planètes, puis crafter tes affaires, puis augmenter ton équipement, puis te faire une base. Mais le VR qui sort, vas-tu comme donner un second souffle au jeu pour que le monde va l'acheter? Oui, sauf que ben là, il y a des problèmes avec le VR. En ce moment, sur PSVR, ça a l'air que c'est quand même assez flou si t'as pas une PS4 Pro. Okay. Moi, sur VR, sur HTC Vive, sur l'ordi, j'ai pas eu tant de problèmes que ça à jouer. Des bouts qui avaient des ralentissements, mais ça jouait quand même assez bien, puis... C'est un méchant défi, ce jeu-là. Puis au départ, quand ça a sorti, le monde a haï ça, là, le jeu. Là. Pourquoi? Parce que c'était comme. Parce que c'était brisé, ça répondait pas aux promesses qu'il avait dit pour le jeu. Puis tout. Puis le développeur a travaillé fort, puis il a sorti des patchs. Puis à chaque jour, il sort des patchs, des mises à jour, des updates. Puis comme il lâche pas le jeu, puis c'est devenu un très bon jeu avec le temps. Fait que c'est pour ça que c'est ce qu'il dit la progression du jeu depuis le lancement. C'est plus ce que c'était au début, ça a l'air. Moi, j'embarque comme dans la meilleure des versions en ce moment en jouant à ça. Là. Mais puis, tu sais, je me suis dit, ça s'en vient en VR, m'a le pogné à moitié prix, puis m'a joué pour être nouveau, pour voir que ça a l'air. Puis, c'est pas mon genre de jeu, là, un jeu de gestion, d'équipement, puis de farming. Puis, tu sais, quand c'est fou. Ouais, il y a des petits gros robots, là. Puis, c'est ça. C'est comme des AT-AT de Star Wars. J'ai commencé mercredi, j'ai déjà comme 6-7 heures de mi dedans, puis je suis pas capable d'arrêter, là. Puis c'est parce que chaque planète... T'es vraiment rendu accro, là. Chaque planète que tu vas visiter, c'est différent. Il y a une planète qui t'arrive, mettons, tout est beau, il y a de l'oxygène. Il y a une planète qui t'arrive, hop, l'atmosphère est toxique. Ça prend ton saut avec une batterie qui purifie l'air. Puis l'équipement, tu l'as-tu déjà? Tu peux-tu l'acheter? Tu l'as, puis après ça, t'as un ordi que tu peux acheter des blueprints, comme des modèles d'affaires à construire. Puis là, on est où est-ce que je t'ai rendu, tu peux te faire une maison. Tu peux construire des portals. Dans l'espace, tu montes. Puis c'est ça. Tu marches, mais on a vu, mais t'as un vaisseau. T'en vas dans le vaisseau, tu décolles, tu t'en vas dans l'espace, t'es dans l'espace après ça. Puis t'as une base spatiale que tu peux aller où tu peux aller acheter des objets, puis vendre des objets. Puis... Il n'y a pas de fin d'abord. Il n'y a aucune fin parce qu'il n'y a pas de but en tant que tel au jeu. Fait que tu pourras jouer, mettons, non-stop pendant un an de temps, puis tu vas toujours avoir quelque chose de nouveau à faire. Je pourrais mettre 200 heures, puis j'aurais jamais même pas vu le 1 millième jeu. Ah, OK, wow. Fait que c'est cool que maintenant la version VR a été ajoutée. Là. Puis c'est le fun parce que la version VR, tu peux jouer à la même game que tu joues en non VR. Fait que, oh, wow! Fait que ça donne. Fait que mettons que je t'assis mon divan, puis là, j'arrête le soir, je suis comme, hey, c'est planète là, avec 40, demain, moi, je joue en VR pour l'avoir. Puis là, t'es en VR, puis tu te promènes. Puis pour scanner, tu sais, faut-tu mettre ta main au côté de ta tête, comme pour ouvrir un scanner, puis tu ramasses le jeu. Comme si c'était pour vrai, tu sais. Mais dans le 6 heures de gameplay que t'as fait, c'est pas tout en VR? Non, j'ai peut-être 4 heures sur ma télévision, puis 2 heures en VR. OK. Mais. Un crise de saut en VR. Là. Mais, tu vois la perspective, là, c'est quand même popé, mais en VR, une montagne, c'est une vraie montagne. Puis un dinosaure, c'est un vrai dinosaure. Fait que tu le vois gros. OK, là. Fait que c'est comme... Fait qu'en est, j'étais comme, par exemple, crafté de quoi sur un ordi, puis je me reviens, puis j'entends de quoi, puis il y avait un esti de gros dinosaure qui essaie de me bouffer la tête. Là. Oh, tabarnak, quand même. J'étais comme, oh shit, c'est, ça fait peur en VR. Mais regarde, là, t'es dans l'espace, fait que tu peux avoir des combats dans l'espace, tu peux détruire des minerais. Là, ça sert à des bases flottantes avec plein de vaisseaux. Là. Tu peux jouer en multiplayer à l'ordi. Je pense qu'à Star, tu peux jouer jusqu'à 32 ensemble. Fait que tu peux aller explorer des... Avec plein de monde ensemble. Ah, cool. C'est cool, mais comme je répète, c'est vraiment pas un jeu pour tout le monde. Si ça te prend un jeu qui a un début puis une fin, joue pas à ça. C'est très, très slow parce que tu passes ton temps à te promener sur des planètes puis à scanner l'environnement. Puis là, une plante que je connais pas, tu la scannes. Ça te marque, OK, cette plante-là, si tu apprends, il y a 8% d'oxygène, 30% de carbone. Puis là... Faut que tu gères ça, puis là, faut que tu gères tes batteries, puis tu gères ton... Fait que quand tu prends de la piqûre, dans le fond, c'est le fun, parce que, tu sais, c'est un challenge à chaque fois, là. Ben, c'est parce que ça arrête jamais, puis chaque planète est différente. Comme ça, c'est une planète comme de roche. Il n'y a pas d'ordre pour faire les planètes. Il n'y a aucun ordre, puis c'est même pas les mêmes planètes à chaque fois. Si tu n'auras pas une nouvelle game, tu n'auras pas les mêmes planètes, tu n'auras pas les mêmes animaux ces planètes, tu n'auras pas la même chose, là. Puis si, mettons, tu joues, tu vois sur une planète A, puis mettons, un mois après, si tu peux-tu retourner à cette planète-là? Ben, si c'est dans la même save game, oui, parce que ta game va contenir tes informations, là. OK. Ça rappelle un peu à... Ouais, c'est ça, Antoine City qui nous dit ça ressemble un peu à Subnautica. C'est direct Subnautica, mais dans l'espace, que tu peux prendre ton vaisseau puis aller sur des planètes puis explorer. Toi, je connaissais même pas ça. Ben, c'est un jeu d'exploration sous-marine, Subnautica. Ah, OK, le du mot sub. Ouais, voilà. Okay. Mais ouais, ça ressemble un peu à ça. Puis, en tout cas, moi, j'ai bien du plaisir, mais faut que ça te tente de jouer à ça. Mais c'est un jeu, je pense que je vais jouer, tu sais, une heure, deux heures de temps en temps, m'en laisser de côté, m'en revenir, m'explorer les planètes. Puis... Ah, cool. Mais le chapeau au développeur, c'est ça qu'il devait faire. Là, Fucking hyper. Ouais, ouais, ça. Ben, moi, j'ai ça. Surtout pas en dessous de l'eau, en VR, me fait chier. Là, fait que j'ai pas envie de faire ça. Je pense qu'il est en VR, ça, Subnautica, là, mais tu te fais attaquer par des grosses bébites dans l'eau, t'as pas le goût. Ah, fuck that. Mais c'est ça. Tu sais, comme tantôt, t'as vu, t'as une planète de roche, le gars, une planète avec de la glace, ça, c'était comme. C'est rouge. Tu peux rider un dinosaure. Mais tu sais, si tu rides un dinosaure ou une bébite, il faut que tu scannes. Tu regardes c'est quoi sa bouffe préférée qu'elle mange. Pour y en donner pour l'apprivoiser, genre? Oui, mais là, il faut que tu développes la recette pour faire la bouffe qu'elle mange. OK, parce que tu peux pas avoir comme, OK, j'ai déjà l'affaire déjà prête, là, tu sais. À moins que tu l'as déjà trouvé avant puis tu reprends le même animal, mais faut tout que comme tu découvres puis que tu comprennes comment le faire. Puis là, une fois que tu le fais, ben tu lui donnes la bouffe, t'embarques dessus, t'as-tu vu qu'elle est embarquée dans le vaisseau puis ça va dans l'espace. Si tu tombes, genre l'animal peut t'attaquer, là? Ben probablement, il va juste manger puis tu ne te laisseras pas embarquer dessus, là. OK. Puis check, là, t'approches comme ça, c'est une station orbitale, mettons, que tu peux aller dedans pour aller faire des échanges. Fait qu'en tout cas, c'est comme une base ou pour aller chercher des systèmes? Ou, ouais, ben ça, ce qu'on vient de voir, qui est rentré dedans, c'est une base dans chaque système solaire, c'est une base spatiale dans laquelle tu peux rentrer. Tu retournes pas toujours à la même place, là? Ben tant que tu restes dans le même système solaire, oui. Puis moi, je me souhaite une maison avec un portal, fait que je peux me téléporter à une place précise tout le temps, là, dans une planète qui n'est pas toxique pour moi. Là, fait que c'est... OK, puis là, t'es vraiment, là, tu peux aussi nager. Mais regarde, tu vois, en plus, il y a plein de monde en même temps dans cette affaire-là. Fait que non, c'est bien intéressant. Écoutez ça à Rétro Nouveau, les amis. Je vais en parler mardi à Rétro Nouveau, puis je vais en parler avec Matt Bonnet à part du casque obligatoire, parce qu'il faut qu'on parle de... Parce que Matt, lui, a des problèmes, il l'a loadé, lui, avec, puis l'expansion, en fait, que son jeu partait plus PC. Yash. Puis en VR, il était capable de le partir, mais il ne rentrait pas dans aucune game, puis juste en desktop mode, il était pas capable de le partir. Je sais que la compagnie, le lendemain, ont sorti une patch pour fixer ça, fait que... Tu vois que c'est une compagnie qui travaille fort sur son jeu. Ils sont tout le temps là. Mais c'est ça, ça a passé d'un jeu que le monde détestait sur les réseaux sociaux, puis ça a monté comme un jeu que tout le monde adorait, puis tout le monde capote en ce moment sur ça. À part ceux qui ont des bugs techniques. Là, okay, c'est ça. Trending présentement, ce jeu-là. Mais là, ils ont comme, avec la méga update qu'ils viennent de lancer là. C'est quand c'est sorti la méga update? Mercredi. Ah, quand même, c'est récent. Là. Ouais, ça. Puis cette méga update-là, plein de changements dans le jeu, je parlerai pas, mais donnait le mode VR, puis moi, c'est pour ça que j'ai embarqué, parce qu'autrement, je m'en foutais pas mal de ce jeu-là. Visiter les planètes puis gérer de l'équipement, ça va être plate, mais finalement, c'est le fun, c'est relaxant. Puis, okay. Je le recommande, puis surtout si vous jouez en non-VR, mais en VR, c'est très intéressant. PSVR, j'aurais un bémol, mais je ne l'ai pas assez en PSVR, fait que je peux pas le dire, mais tout le monde qui a PSVR m'ont dit « ouais, c'est flou un peu ». Ok, ouais, c'est ça. C'est quand même un gros jeu à rouler. Je trouve que c'est un gros jeu à rouler pour un PlayStation VR, fait que peut-être PS Pro, PS4 Pro doit être meilleur, mais moi, j'ai un vibe, fait que j'ai comme le haut de gamme, fait que j'avais aucun problème avec ça, puis ça, tout était super bien. Je joue à ça en 4K sur ma TV 55 pouces en boule puis je capote. Là. Ah, il y a la couleur en esti. C'est beau, là. C'est fou. Là. Fait que j'ai alterné entre ça et Spider-Man cette semaine. Là. Puis je me suis racheté GTA comme un épais. Là. GTA 5. Ah, est-ce que tu l'as joué en ligne? Ouais, je l'avais sur le PS3. L'as-tu joué longtemps? J'ai joué peut-être une heure à date. Là. J'ai juste essayé de voir ce qu'il donnait parce que tu peux le mettre en 4K. Fait que je le vois en 4K puis c'est beau en 4K sur ma télé. Là. T'as payé combien le jeu? 15$. Bon, c'est pas si pire. J'attendais qu'il soit vraiment rabais. Mais tu sais, je l'ai acheté PS3. Je l'ai racheté PS4 parce qu'il était plus bon PS4. Puis là, je l'ai racheté en PC parce que je le jouais à GTA Online. Mais non, ça, c'est le fun. Ouais, t'as tout le temps des nouvelles affaires, des nouveaux thèmes. Là. C'est le fun de l'avoir sur PC. Mais ça, à ce temps, j'ai comme re-switché. Je suis revenu comme PC gamer depuis que mon ordi est plugé sur ma TV en bas. Je peux jouer directement à Steam dans la télévision. Ça, c'est le fun. Tu sais, c'est... OK. La qualité graphique est beaucoup meilleure sur un ordi de qualité que sur une PS4 qui date de 8 ans. Là, c'est... 8 ans déjà. Je sais pas si c'est ça pour un jeu au hasard. Là. Ah, ça se peut, là, parce que c'est sorti Ça se peut-tu 2012? Ça serait pas 8 ans. Ben, ça se pourrait, ouais. Ben, c'est quasiment 8 ans. PS4, ça. Release date. On va regarder ça tout de suite, GF. 15 novembre 2013. Ah, quand même, ça fait 7 ans. Ça fait 6 ans. Ça va faire 6 ans. Ça va faire 6 ans. Ben, tu sais, reste que l'hardware reste de l'hardware de 6 ans qui était pas le top of the line non plus, là. Fait que c'est ça, là. Écoutez Rétro Nouveau, les amis. Et puis suivez Pas du casque obligatoire. Là. Moi, puis Matt, on est en train de regarder ça pour ramener. Parce que là, on fait des critiques VR maintenant, là, mais juste en vidéo. Mais on fait plus de podcasts, mais on va recommencer. On va faire un podcast un peu par Skype, mais on va bien le produire pour que ça paraisse pas que c'est par Skype. Là, juste pour parler plus des nouvelles. Parce que là, on fait des critiques, mais on parle pas des news. Puis il y a plein d'affaires qui sortent par rapport au VR qu'il faut qu'on parle. C'est le bon temps. Fait que voilà. D'ailleurs, il y a un. Tu sais, The Void là, à Disney, la fin de réalité virtuelle, il y en a un à Montréal. Ah, okay. C'est pas The Void, c'est un blanc. Il faudrait que je regarde dans mon courriel. Là. Mais je risque d'y aller avec Matt pour qu'on couvre l'ouverture de ça. Ça va être à Montréal. C'est du room scale, c'est du location-based VR. C'est ça ici. C'est réalité virtuelle Zero Latency Montréal. Fait que, mettons, tu joues un genre de Rainbow Six, mais tu as vraiment un gun puis tu avances dans une pièce pour vrai. Là, ok, c'est trippant ça. Ça va être le fun à jouer en gang là, sur place. Là, fait que, à voir. Petit aparté de JF. Tu sais, nos surprises et déceptions de l'été. Déception de l'été, les Blue Jays de Toronto, qui étaient à chier. Et surprise, les Blue Jays de Toronto, qui sont rendus comme une bonne équipe en ce moment avec les jeunes. Ouais, depuis qu'ils ont fait le ménage. Moi, je suis un gros fan de baseball. Là. Je te dirais que j'écoute plus de games de baseball que j'écoute de games de hockey. Je suis comme plus régulier sur le baseball. Je sais pas pourquoi, ça joue tout le temps le soir chez nous en background. Je l'écoute tout le temps en travaillant. Puis, je suis un gros fan des Jays parce que il n'y a plus d'expo, si tu veux. Là, c'est... Pas le choix. Mon père, quand il commençait à suivre les Jays, quand j'ai rembarqué en 2014-2015, comme suivre les Jays, là, c'est comme si tu suivais les Nordiques là, un peu là, pour moi. Là. Mais je vois, mais il n'y a pas d'expo, qu'est-ce que je fasse? Là? Je veux suivre du baseball. Là. Ben, ça serait plus comme si les Nordiques prenaient pour le Canadien, genre. Ben, c'est comme si à l'époque, tu prenais pas pour Toronto, tu prenais pour Montréal. Fait. Ouais, mais mettons que Montréal. Mais là, si on n'avait plus Montréal, mettons, puis on avait juste les Nordiques, on prenait pour les Nordiques, on serait quand même les Nordiques, là, on n'a pas le choix. Ça mais... fait chier, mais mettons que les expos reviendraient dans 10 ans. Tu vas-tu, genre, laisser tomber les Blue Jays pour des expos ou tu vas comme. Ah, je vais être full-fledged expo, mais je vais suivre les Jays quand même, probablement, si j'ai encore l'équipe que j'aime. Ça va dépendre qui est là. Et Antoine Stee qui dit qu'il a commencé à jouer au baseball cet été. Ça se voit-tu bien, Antoine Stee? Moi, je jouais quand j'étais jeune, puis j'étais bon dans le champ, mais c'est-tu que j'étais pas bon au bâton, là? Moi, j'avais peur de la balle au marbre, parce que j'ai déjà joué dans un parc avec du monde, puis il essaie de faire des balles rapides, sauf que, tu sais, c'est pas du monde qui avait nécessairement du visu, là. Fait que, mais j'ai joué longtemps, puis j'étais marqueur au baseball aussi pendant comme 2-3 ans, fait que j'aime beaucoup le baseball parce que je comprends la game, là. Faut que tu prennes le temps d'écouter le baseball pour comprendre le baseball, pour apprécier, là. Mais les Jays sont rendus bons, là. Ouais, le Bobichette, il est-tu encore sur sa lancée? La dernière fois que j'avais vu ça, cette semaine, il était rendu à 17 matchs de suite avec un coup sûr. Non, 17 matchs de suite avec un double et plus, je pense. OK, je pensais que c'était un match avec un coup sûr. Non, avec au moins un double et plus. Puis c'est le seul joueur de la Ligue, pas des recrues, là, de l'histoire qui a fait ça. Il est comme, OK, parce que dans le fond, si je pense que c'est un match pour une recrue, là, pour une avec recrue, un coup sûr, c'est 23 matchs. Puis le record appartient à un gars des Devil Rays en 2003. Mais ouais, en ce moment, on a. Tu sais, si t'écoutes juste l'audio, t'entends comme. Alors, Guerrero qui est le relais à Bichette, le relais à Biggio. Comme Chris, on est dans le All-Star des années 90. Ouais, c'est fucked up, là. Ouais, parce qu'elle a fait sa Greg Biggio joue pour les Jays, c'est vrai. Ouais, c'est. C'est une grosse patate comme son père. Non, il est super mince, le Biggio. C'est. Cavan Biggio, je pense son nom. C'est un nom bâtard, là, en plus. Cavan. Parlant de baseball, Jeff, as-tu vu la claque de Bryce Harper hier? Ouais, il y a quelqu'un, un grand chelem. Oh man, comme un esti défoncé. Là, j'étais comme. Ah, c'est cool ça. Cavan Biggio, ça, j'avais raison. Cavan Biggio. Cavan. Cavan. C-A-V-A-N. Ah. Mais cool. Ouais, on a Beau Bichette avec ses cheveux. Le fils à Dante Bichette, puis on a Vladimir Guerrero Jr. Qui est le fils à Vlad, là, en fait. Là, puis qui a commencé à débloquer pas mal depuis le... Ouais, parce que là, l'offensive, sont en feu. Le problème avec les Jays, c'est le pitching. C'est le pitching, puis c'est ça. Je ne suis pas un grand fan de Shapiro et Atkins, puis j'ai été un des premiers à créer le hashtag Fire Shapiro. Là. mais il faut que je dise que ce qu'ils ont fait avec l'équipe pour le bassin de recrues, puis ils ont donné le team aux jeunes en ce moment. Puis là, en ce moment, l'équipe a hâte d'avoir du fun, puis c'est ça qui est cool à regarder. Ils sont le fun à voir, ces jeunes-là. Là. T'en as plein. Lourdes Gurriel Jr. aussi, que son père, c'est une légende du baseball cubain. Ah. Lourdes Gurriel Sr. Teoscar Hernandez, tout ce monde-là, sont tout le fun à regarder. Puis tu sais, il y a bien du monde qui était comme fan des Jays en 2016, quand il y avait Russell Martin, l'autre qui s'est punché dans la face, Bautista. T'avais Encarnacion. Encarnacion, Kevin Pillar. Donaldson. Il reste plus personne. Il reste une personne, c'est Justin Smoke, puis il est sur le départ parce que son contrat se finit cet été. À la fin de l'été, en fait. Fait que c'est vraiment l'équipe aux jeunes. C'est juste le pitching, je comprends pas. Mais on dirait qu'en dit qu'ils sont libérés d'un poids. Ils ont comme. Excusez, ça sera pas long le baseball, là, mais il y avait le lanceur là, qui Strowman. Marcus Strowman. C'est-tu qui avait battu sa femme? Non, ça c'était Osuna, mais ils l'ont. Okay. Qui était une de nos meilleures recrues de lanceurs, puis ils l'ont chupé ailleurs parce que battu sa femme, là. Fait que c'est. Controverse. Mais Strowman, qui était le fun à regarder parce qu'il était bon, puis il était tout le temps très émotif, puis comme il regardait le dugout de l'adverse tout le temps, puis l'a envoyé au Mets finalement. Puis il avait, son père, il a dit bon, il aurait aimé ça aller avec les Yankees, là, mais. Hey, les Pikes, ce n'est pas leur calice d'affaires. Oh, hein, on dirait que depuis qu'il est plus là, tu sais. J'imagine que c'était comme un genre de mâle alpha lui, dans le vestiaire. C'est comme un Markov dans le vestiaire. Il devait prendre de la place beaucoup, puis ça brime les jeunes quand t'as des joueurs qui font ça, qui sont pas des bons coachs pour les recrues. Fait que, on dirait que c'est comme ça fait du bien, mais ils ont eu deux lanceurs au retour, mais des lanceurs. Il y a ceux qui lancent présentement pour les Jays, sont tout en. C'est deux des mineurs, c'est des projects, peut-être qu'ils vont être bons. Puis après ça, ils ont échangé. Ils ont échangé deux lanceurs, Sanchez, puis. C'est qui l'autre? Un gars qui avait gagné son match. Là. Ouais, ben c'est comme un releveur. Puis le premier match qu'ils ont fait, eux autres, avec les Astros, ils ont fait une partie sans coup sûr. Là. Pour vrai? Ouais, les deux. Puis nous autres, le gars qu'on a reçu en retour, il a reçu une balle d'en face, dans le champ, après avoir pas réussi à faire un catch. Là. Mais c'est une erreur. Ah, parce qu'ils ont pas mis un joueur, je pense, un vétéran. Non, c'est un gars versatile, comme je pense qu'il est 25. Je me rappelle même plus son nom. Là, c'est mais... ça, mais il est considéré comme un bon. Ah, oh, c'est un bon. Là. Il est blessé, là? Non, il est revenu. Il a reçu une balle d'en face la même journée qu'ils ont fait un match. Il joue-tu bien? Il joue correct, là. Mais comme je te dis... C'est pas lui, mettons, que le spotlight n'est pas sur lui du tout. Là. Non, ça, c'est pas la défensive qui est le problème. Puis c'est pas les frappes non plus. Là, c'est le lanceur. Fait que là, il va falloir qu'il soit pas cheap dans la saison morte, les deux. Ben, je sais pas si un vétéran voudrait joindre un club en reconstruction de même. Ils sont plus en c'est fini la reconstruction. C'est 7 et là. Là, ce corps-là va être là. Sauf qu'ils sont encore jeunes. Pour... Avant qu'ils atteignent leur prime, ça va pas oui, oui, 4, sauf 5 que, ans. Oui, sauf que tu regardes les Jays, mettons, là, Alain, là, t'es un bon lanceur, puis tu regardes là, comme, OK, j'ai de l'offensive qui produit en ce moment, Guerrero qui est un gros cogneur, Biggio qui joue bien. C'est moi que tu vendrais ta salade. Bichette qui casse tous les records en ce moment avec sa coupe de cheveux dans le vent. C'est comme son père. C'est ça. Puis Guerrero est comme son père aussi. Quand il frappe une grosse balle, puis que tu sais pas s'il va faire un trip, il court, puis entre le marbre et le premier, comme il donne un coup sur son casque pour pas enlever son casque. Là. Ah ouais? Et Guerrero, le père, faisait ça aussi. Comme il donnait un coup pour y enlever. Cette semaine, il a fait un trip, puis il a fait ça, puis il était content. Chris, pour une grosse poche de patates comme lui, là, il doit courir dans un tabarnak. Là. Cette semaine, ils ont battu les Rangers 19-4. Calvaire. Puis c'était 19-2. Puis le gars des Rangers, je pense que c'est lui qui avait punché Bautista. Il a fait un circuit en huitième manche, puis il se pavanait avec la boule de gomme. T'as un asti de trou de cul, là. C'était où? C'était à Toronto ou au Texas? Je pense à Toronto. Okay. Puis lui, il s'est défendu. Après, il dit, ouais, parce que moi, dans la saison morte, je joue genre au Venezuela. Puis il dit, ça me fait penser à ces stades-là bruyants à Toronto. Puis t'es un épais, là. Mais... Fuck you. Mais ça donne du show, puis je trouve ça bon. Comme Strowman qui regardait dans le dugout des adverses. Ça prend un peu de show dans le baseball quand même, là. Tout le temps le fun de voir un coach se faire envoyer. Ça, j'explique à Rouge. Quand tu vois un coach aller voir un arbitre, t'as une chance sur deux que tu vois qu'il crisse le bras pour s'en aller comme t'es out. Là. À chaque fois que tu me parles d'un coach se faire envoyer, je pense toujours à Tom Hanks dans la Ligue en Jupon. Est-ce que c'était bon, ça? Tabarnak. C'est comme t'as l'air d'un pénis avec une casquette. Hey Jeff, on arrive en fin de podcast. Voulais-tu parler de Barry rapidement avant qu'on fasse Once Upon a Time in Hollywood ou mini-recommandation, mettons? Je pourrais peut-être garder Barry pour une autre fois, okay. Jeff, parce que dans le fond, j'avais goût d'un peu de partager quelques moments cocasses qui m'est survenu pendant Oceaga. Ah oui, c'est vrai, t'es allé à Oceaga. J'étais allé à Oceaga, dans le fond, le samedi, le 2. Dans le fond, moi, c'était surtout pour des artistes hip-hop. Ouais, ils avaient nommé au dernier show... Ouais, Hoodie and the Booty. Hoodie and the Booty, que je suis allé voir, puis finalement, j'ai crissé mon camp parce qu'il faisait du crise de lip-sync, le tabarnak. Là. Oh, wow. Mais c'est ça, dans le fond, quand on est arrivé là, c'était pas si pire. Là. La température était parfaite, tout ça, puis tout était beau, on se promenait, tout était bien organisé. Écoute, je sais pas si c'est moi, avec l'âge, mais calisse que maintenant, j'étais plus capable de marcher. Asti, que j'avais mal au dos. Ah oh, ouais? T'as pas vraiment de place pour t'asseoir. Genre, je pense que la place la plus confortable où je me suis assis, c'était à terre, sur la roche, avec une clôture en métal dans le dos. Genre. C'était la meilleure place. Puis, écoute, tu vois que quand t'arrives là, nous autres, on est arrivé à 4 heures, puis c'était à l'heure où que le monde commençait à être chaud. Puis là, on est allé voir genre un DJ électronique, je pourrais pas te dire c'est qui. Là. Puis il y avait deux filles, ça valait deux danseuses de ballerines. Puis là, genre, t'avais le parc esti en large, puis là, t'avais la foule qui était devant le stage. Puis eux autres dansaient, là, puis ils dansaient bien, mais sa boisson. Fait que là, moi, je me suis... Sloppy. Ben, c'est ça, parce que là, moi, je me suis observé de savoir, je me suis dit, Chris, man, quelqu'un a mangé un coup de pisse à la gueule. C'est pas arrivé, mais... Désolant. C'était assez spécial, puis écoute, je te dirais que quand il a commencé à faire noir, on était curieux, on disait, on va-tu voir la section de techno, là? Puis il y avait tellement de monde qui avait l'air d'être sa drogue, JF, que je pense que si j'aurais été plus creux dans la foule, j'aurais probablement quelqu'un m'aurait violé. Fait que finalement, on n'a pas été, on a reviré de bord. Qu'est-ce que t'aurais dû? Mais j'aurais passé une belle soirée. Si. Mais parlant de viol, l'affaire qui était drôle, là, c'est qu'à un moment donné, je vais avoir le show de rap là, de... comment il s'appelle? Si j'ai un blanc. Là. C'est pas bien grave. Off, là, il fait la chanson Chopsticks. Mais en je tout cas... Je peux pas t'aider là-dessus. Là, en tout cas, moi j'écoute le show, puis tout ça, puis quand j'ai salé dans la face, fait que des fois je me reviens de bord, puis là, à un moment donné, genre, t'as une fille qui est vraiment pas grande, genre, elle doit être 5 pieds à peu près, ou un petit peu plus, est avec un autre gars, puis une autre fille, puis ils sont en genre de brassière, esti. Puis là, jouer mon chum, esti, il part à courir. Isabella Danger! Là, il part à courir comme si moi, mettons, j'aurais vu un joueur du Canadien. Là, je disais, Chris, c'est-tu un autographe? Fait qu'il part à courir. Moi, je le regarde aller, puis c'est pas un gars qui cause souvent. C'est pas qu'il est tombé, quelque chose? Non. Ah, Chris, ça aurait été beau. Fait que là, je dis, Chris, man, qu'est-ce qu'il fait, tabarnak? Il a disparu pendant 5 minutes de temps. Fait que moi, j'écoutais le rapper. Le spectacle? Puis c'était correct, c'était cool. Genre, j'observais le monde aux alentours, puis je remarquais qu'il y a beaucoup de monde qui sont en genre de bas collant, mais en bobette. Les looks de festival, ça peut être assez particulier, je pense, pour certaines personnes, ce qui m'a surpris. Écoute, j'y vois pas souvent, là. Là, il est revenu, puis tout ça, puis là, il capotait, puis là, il commençait à envoyer plein de textos. Je dis, Chris, c'était qui ça, tabarnak? Il dit, c'est Abella Danger, c'est la number one actrice porno de Brazzers, puis tout ça. Je suis comme, ah, oh, Chris, tu m'as laissé tout seul pendant 5 minutes pour courir comme un enfant qui avait vu le Père Noël qui donnait des cadeaux gratis pour aller te faire photographier avec une porn star, puis tout ce que tu voulais faire, c'est d'envoyer une photo à un autre gars qui est aussi amateur que toi de films porno pour lui dire, check ma photo. Fait que là, il y a la photo de la fille en deux, puis c'est comme, en tout cas, c'est une selfie. Là. Fait que là, j'étais comme, OK, Abella Danger. Fait que moi, je la connaissais pas. Je suis pas un expert dans ça, mais je me suis aperçu qu'elle aime beaucoup les filles, genre se faire jouer dans les fesses. Fait que c'était spécial. Antoine Sty qui dit le bon vieux t-shirt métal avec des vestes à patch, mais hein, j'en ai pas vu cette fois-là. Ouais, mais ce sera pas là. C'est pas. Mais j'ai remarqué. Ce serait plus à Heavy MTL, à Heavy Montreal que t'aurais ça. Moi, je suis un fan de souliers. Puis je regardais beaucoup des fois les souliers que les gens portaient. Puis je me suis aperçu que des gens portaient beaucoup de souliers, genre qui coûtaient, mettons, je te dirais, au-dessus de 150$. Deux pieds dans la boîte. Ah oui. Puis comme tabarnak, man, mettez des vieux souliers. Puis le pire, c'est que je pense que la majorité des gens qui étaient là, c'est leurs parents qui ont payé leurs souliers. Fait que moi, si j'apprenais ça en étant un parent, que tu scrapes tes souliers, que j'ai dépensé 200$ avec le salaire dont j'ai travaillé super fort, il me semble que tu n'aurais pas de dessert pour souper, tu sais. Fait que, non, c'était spécial, mais j'ai aimé l'expérience. C'était bien organisé, mais calisse que j'avais mal à la tête. Pour souper, man, JF, là, tu vas me juger, là, j'ai mangé des tacos. Puis c'était des tacos qui étaient gros, genre, tu sais, c'était gros de même à peu comme près. Comme les là. Tacos dans Endgame que Ant-Man mange. Plus petit que ça. Ouais. Les mini tacos. C'était des tacos, genre, pas au poulet popcorn, mais au popcorn au poisson. Ouais, ouais, ouais, ouais. Fait que là, on se dit, okay, on va aller là manger. Tu sais, la file était pas. Tu sais, ça allait vite pareil. Fait que là, j'en prends un, puis là, la madame, elle me dit, vous n'en prenez pas deux? Je dis, ben, je vais commencer avec un, puis je verrai après. Tu sais, finalement, je me suis aperçu que c'était pas assez un. Fait que j'en ai acheté deux autres. Ben, la file était longue, mais ça allait super vite. C'était super bon. Malheureusement, je me souviens plus du nom du food truck, fait que je pourrais pas le dire. Mais je sais qu'à un moment donné, la gérante, là, puis je pense que les madames ont un femme pour la façon que je m'exprime. Là, il y a quelqu'un qui chante, il dit, il y a beaucoup de monde, il dit, ah non, ça va super vite. Puis là, elle me pointe, genre, en voulant dire, est-ce que vous trouvez que c'est long? Genre, non, c'est super rapide. C'est la deuxième fois que je viens ici en dedans de 10 minutes, puis j'ai toujours été en mesure de manger, puis c'est super bon, puis j'apprécie beaucoup le soin que vous prenez pour nous servir. Ah, vous êtes un amour, vous, là. Mais elle m'a pas fait de rabais. Fait que. T'as fait une caresse au moins, quelque chose? Non, c'est pas arrivé, t'es trop occupé. Mais tu sais, elle devait peut-être avoir l'âge d'une ma tante. Puis là, il y avait ses esclaves qui faisaient des tacos. Six esclaves? Il y avait 6 genre étudiants payés au salaire minimum qui faisaient des tacos en arrière. Puis à un moment donné, on avait comme bypassé le système. Genre, on s'est juste à côté sur le comptoir. Puis on venait de commander. Fait que le cuisinier qui faisait les tacos, genre, il se sentait mal. Il pensait que ça faisait longtemps qu'on attendait. Fait qu'il nous a donné les tacos avant toutes les autres qui attendaient en file. On a juste voulu s'accoter à quatre parts parce qu'on avait fucking mal aux jambes, JF. Ah, oh, mais t'es allé à Disney. T'es pas tough des jambes, me semble. À Disney, ben, c'est parce que ce qui arrive, JF, c'est qu'à Disney, j'ai pas pris de boisson. Puis là-bas, c'était des hosties de limonade Jack Daniel. Ah, ouais, ouais. Puis le pire, c'est que ça goûtait pas le Jack Daniel. Fait qu'au début, je pensais m'était fait crosser. Mais finalement, ben écoute, je pense que ça a fait effet un peu. T'aurais dû boire de l'alcool à Disney. Il n'y a rien de mieux que j'ai découvert que d'aller faire Space Mountain après avoir pris un verre de vin et un verre de champagne. C'est parce que j'étais avec mon fils, fait que tu sais, je voulais pas comme boire de boisson, puis il fallait que je m'occupe de mon père puis tout ça aussi. Pas que tu te mettes chaud, c'était chaud après une bière. Ben je sais pas, c'est plaisant. Quand j'étais avec mon fils, je vais peut-être prendre une bière à un souper, mais genre à Disney, genre. Mais à Disney, faut dire que c'est pas tous les restos qui ont des bières. J'ai même pas pu de bière pendant le souper. Je prenais tant de limonade parce que j'avais fucking chaud. Puis quand j'ai chaud, c'est clair, dans chaud, ma tête, c'est comme un réconfort de boire une limonade rose. Tellement. Fait que non, c'est ça. Puis j'ai apprécié. Puis je vais peut-être y retourner l'année prochaine, tout dépendant des artistes qui étaient là. Mais non, c'était cool. C'était pas compliqué de se promener et tout ça, mais sacrément, c'est quelque chose pour les jambes. Jeff, le lendemain, j'étais extrêmement épuisé, puis je tombais malade. Un jour après, genre, j'avais beaucoup de brûlure d'estomac. Je pense que c'est la vieillesse. Je pense pas que ce soit la dominance. Le gars qu'on disait tantôt qu'ils ont reçu comme les Jays contre Sanchez puis l'autre lanceur, c'est Derek Fisher. Je viens de le voir parce qu'il a fait un two-run home run. Quand même. Les Jays qui sont présentement en train de battre les Mariners 6-2 en troisième manche. C'est tellement pas intéressant de parler de ça. Je salue le fils à ma cousine, Brandon Rodriguez, qui, oui, ça va bien. Merci de poser la question. J'espère que ça va bien toi aussi. Malheureusement, t'as un Xbox, fait que je te parle plus. Alors, t'es peut-être trop vieux pour aller dans les festivals comme Oshiaga, de bord. Tu trouves? Peut-être, je sais pas. J'ai-tu du monde de mon âge? T'es tant que tu vas pas à Hillsonic. Je me sens que j'en ai vu une couple. À Hillsonic, j'ai pas été. J'ai connu du monde qui sont allés. Puis moi, quand les jeunes me parlent qu'ils sont allés à un événement, j'aime ça poser des questions farfelues. Fait que là, tu sais, genre. C'est qui ton meilleur Batman? Puis. Non, parce que, écoute, cette semaine, juste pour faire une parenthèse, JF, là, on a joué contre une équipe qui était super forte au soccer. Je coach mon fils au soccer. Ouais. Puis là, à un moment donné, il y avait un gars qui a fait un estime move, genre de malade. Puis là, j'ai dit, ah, si, il me fait penser à Joe Sakic. Il y a un enfant qui me regarde et il dit « C'est qui ça, Joe Sakic? » J'ai failli, est-il, punir. Mais le poussin, il mettait une jambe en arrêt de sa jambe. J'ai dit, c'est pas c'est qui, Joe Sakic? Là, il me regarde aussi, puis là, j'ai comme haussé le ton un peu trop fort. Fait que là, j'ai expliqué c'est qui. J'ai un kid. C'était un trou de cul qui joue pour les Nordiques. Mais en tout cas, ça m'a fait de la peine. Fait que c'est pour ça que je fais attention quand je pose des questions à du monde d'un certain âge. Quand j'ai un doute, je fais ma gueule au cas où. Fait que, toujours la meilleure option. Oh oui, tout ça pour dire... qu'est-ce que je voulais dire? Tabarnak, j'ai perdu mon film. Je pense que j'ai vu du monde à mon âge là-bas. Là, je peux pas croire. Ah oh, oui, c'est ça. Lil Sonic. Tu sais, genre, quand le monde se rentre dedans pendant une toune agressive. Ouais, un trash, là. Bon, c'est ça. Fait que là, moi, dans le fond, la personne m'expliquait un trash. Fait que je disais, ah, OK, c'est cool. Y a-tu des personnes âgées? Mais là, tu sais, naturellement, non. T'sais. Fait que je sais pas, c'est mon genre de poser des questions stupides. Farfelu. Juste pour les faire parler. J'aime ça les faire parler parce qu'ils vont toujours, genre, répondre à ma question malgré le fait que, genre. Sans comprendre que c'est ironique. J'ai une question, genre, complètement inutile puis stupide en même temps. Mais je trouve ça drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment super bien aujourd'hui, même si c'est. Ils prennent la peine de me donner 3-4 explications suivant ça. Je pense qu'aujourd'hui, les examens sont plus sévères. Ça prend du contenu pour répondre. J'espère. Fait que c'est ça, man. C'est Lil Sonic. J'irai probablement pas, mais à Oshiaga, c'est parce que j'ai trippé beaucoup sur certains artistes. Et puis, c'est la raison pour laquelle je suis allé. Parce que ça valait le prix du bracelet. J'irai pas non plus à Lil Sonic. Je fais pas assez d'ecstasy pour ça. Ah, tu penses que le monde vend de l'ecstasy là-bas? Oui, Chris, c'est sûr que oui. Ah, DJ, là. Pas ça. Jeune, mais dans la section, ce que j'ai fait me faire violer, je pense que tout le monde était sur quelque chose là-bas. Ça, c'est ah, sûr. Peut-être. Ah, mais en tout cas, c'est spécial. Mais non, ça faisait peur parce qu'il faisait noir, puis tu voyais juste des néons. Fait que c'est comme si. Écoute, j'avais peur qu'un vampire noir avec des épées apparaisse. Blade qui est là. Ah ouais. Genre Ali Muhammad Ali. Lui, là. Le méchant dans Iron Fist. Pas Iron Fist. Luke Cage. J'avais peur que tu dises Alita. Ali, le méchant dans Alita. Non. Bon, hey, c'est temps de parler de notre film. Là, on va parler de ça. Once Upon a Time in Hollywood, le tant attendu nouveau film de Quentin Tarantino. Je peux te parler de mon expérience de comment je l'ai vu, moi, si tu veux. Ouais, c'est un peu triste, mais il faudrait que tu partages parce ça. Parce que ça revient avec un peu le début du show quand on parlait de grossesse. C'est que j'ai dit qu'on a été à l'hôpital parce que Caro avait des maux de ventre. Caro est massothérapeute, puis elle avait des maux de ventre. Elle m'a dit ça me tire, j'ai mal. Je vais faire mon client, mais. Je sais pas, genre peut-être aller à l'hôpital, ben je sais pas, moi je peux pas t'aider à part t'amener si tu penses qu'il faut y aller. Puis elle dit ah, m'a fait un client, puis je verrai après, puis je suis comme correct, puis je vais prendre la chance d'aller au cinéma ça, voir. OK, fait dans le fond, c'était avant que tu commences ton film, ça. Ouais, avant que je commence mon film, elle avait mal au ventre, mais elle était comme j'ai mal un peu, mais c'est pas si pire, tu sais, puis genre, je garde. Je vais prendre la chance, vas-y, puis je vais laisser mon cell ouvert s'il y a de quoi. Après ton premier massage, écris-moi, puis on peut gérer. Fait que là, je la dépose à son travail, je m'en vais au Guzzo sur Tachereau avec personne. Le cinéma des mafieux. Le cinéma des mafieux me paye une entrée à 8$, un popcorn avec une liqueur à 14$, puis là, il est comme une demi-heure avant que mon film commence. Fait que tu sais, je mange de trois quarts de mon popcorn déjà avant que le film commence. C'est un film de 2h30. C'est un film de 3h quasiment. Je pense que c'est 2h40 le film. Là. À peu près, me semble. Non, j'ai comme arrêté. J'ai mis à terre mon popcorn parce que je suis comme là, faut que je m'en garde pour le film. Puis ça part, puis le premier 20 minutes, le chic Caro a fini son client. Puis là, il m'écrit, fait, ouais, j'ai encore vraiment mal, je fais le pas. Je suis comme, elle dit, ah, j'ai une chute de pression un peu, je me sens faible. J'aimerais ça aller à l'hôpital. Je suis comme, bon, ben, ça fait 20 minutes que le film est commencé. Fait que, dans le fond, vu que tu n'as pas pris le temps d'aller te chercher ton billet, dans le fond, tu es parti comme en urgence. Tu n'as pas été, ah, je peux-tu me faire rembourser? Ouais, non, j'ai pas pris le temps. Dans le fond, j'ai payé 8$ pour pouvoir me payer un popcorn à 14$. Puis, le popcorn, l'as-tu ramené au moins? Ouais, je l'ai mangé là, dans le char en revenant, puis j'ai fini ma liqueur dans le char aussi. Là. Ouais, c'est ça. T'sais. Mais tu sais, tout ce que j'avais vu, c'était comme, bon, ben, fait que Léo, c'est un gars d'Hollywood dans les années 60, fin 60, puis Brad Pitt, c'est son stunt double. C'est tout ce que je savais. Puis ça arrête là. C'est ça. Puis le fait que le lendemain matin, je suis en vacances. Fait que je fais jamais ça. Jamais, parce que j'ai ça. J'ai pogné un screener sur un torrent. Puis c'était dégueulasse. C'était filmé dans un cinéma. T'entendais le monde rire quand il y avait des jokes. Fait que c'était flou un peu. C'était pas flou, mais les couleurs étaient comme vraiment dégueu. Il y avait comme un watermark qui se promenait par-dessus l'écran, des fois, comme une écriture. En plein milieu du film, il y a une pub qui part. J'étais comme tabarnak. C'est la pire façon de voir un film, cette affaire-là. Ah. Mais c'est parce que j'étais tellement intrigué, je voulais savoir ce qui allait se passer. Fait que finalement, je l'ai vu au complet, puis j'ai comme pu quand même l'apprécier. Fait que voilà. L'histoire de Leonardo DiCaprio, je ne me rappelle plus de son nom là-dedans, c'est quoi? C'est Rick Dalton. Rick Dalton et son Rick fucking Dalton. Rick fucking Dalton, ouais. Qui est un acteur qui aurait pu devenir une grande vedette, qui a finalement pas... Ben, c'était une bonne vedette, c'est juste qu'il était en déclin. Il était en déclin, puis là, il a été comme pas cassé dans un gros rôle qui donnait quelqu'un. Il faisait le villain of the week. C'est ça, il était comme le méchant qui mourait tout le temps. Puis son bras droit et cascadeur, Cliff. Cliff, comment il s'appelle déjà? Ah, si j'ai pas son nom de famille, moi j'ai toujours dans ma tête, c'est Cliff, là. Joué par Brad Pitt. Ouais, on va aller voir. Qui est en fait son cascadeur, mais en même temps qui est son bras droit. Son chauffeur professionnel. Pas professionnel, mais son chauffeur, parce qu'on apprend dans l'histoire que DiCaprio. Cliff Booth, qui a des problèmes d'alcool, fait que c'est pour ça qu'il peut pas prendre son char. Il est tout le temps chaud, puis il y a des beaux moments mémorables dans le film. Comme, oh, ouais. À un moment donné, il est dans un. Puis c'est dans le temps des westerns un peu, puis c'est là-dedans que ça se passe, puis. C'est comme une lettre d'amour à Hollywood, le film, là, un peu de ces années. Ouais, parce que lui, il trippe sur ce genre-là. Puis tu sais, il est dans sa roulotte, puis il se parle à lui-même comme, faut que t'arrêtes de boire, t'es mauvais, parce qu'il est pas là de faire sa take. Puis le voir prendre un shooter pendant qu'il dit qu'il faut qu'il arrête de boire, c'est juste tellement drôle. Ah, c'était carré, il lance le film. Il lance son flash en bas. Mais tu sais, dans le fond, le bout qu'ils ont coupé parce que genre, il manquait ses lignes tout le temps, puis il bégayait un peu, là. Ouais, ouais. Tout ça, GF? C'était de l'improvisation de DiCaprio. Ah ouais? Parce qu'il y avait de la misère à saisir un peu comment il allait faire la scène. Fait qu'il a dit, OK, c'est bon, je vais faire mon personnage bégayer. Fait que ce take-là, là, tout ce bout-là au complet, puis quand il est dans sa loge, c'est de la pure improvisation de DiCaprio du début à la fin. Fait que c'est pour ça que c'était comme... Quel moment d'acteur, parce qu'après ça, tu vois que là, il est comme dans sa zone, là, puis il y a comme une scène, puis là, il pitch la fille à terre. Ouais, quand il kidnappe la petite fille, là. Chris, là, tu sais, c'est DiCaprio, là, à son summum, là, c'est du Chris de gros acting, là. Fait que juste ça, j'ai trippé, puis moi, c'est, en tout cas, si j'ai un personnage préféré à choisir entre lui puis Brad Pitt, j'ai pas le choix de dire que c'est Brad Pitt, là, je tombais en amour avec... Ah, il est fou là-dedans, là. Ah, c'est qui est incroyable, man. C'est un cascadeur, il demande d'aller réparer son antenne de TV, puis il jump sur ses clôtures, là. Puis à Cannes, quand ils ont fait la première du film là-bas, là, il y a eu une ovation debout de 8 minutes pendant le film, là. Ouais. C'était sur ce bout-là. Quand il saute partout. Tu sais quel âge, Brad Pitt? Il est 50 quelque, là. 55 ans, man, puis il a l'air de ça. Il s'entraîne pas, puis il mange comme un gros dégueulasse. Non, c'est quand il était shirtless. Ah, ouais, OK. Il y a des abs, puis il mange comme un Chris de porc, man. C'est Hollywood, là. Ils l'ont entraîné pendant un mois et demi, puis il était correct, là. Non. Justement, GF, ben, il est fait de même, Sti. J'ai la misère à le croire, mais non, il est fait de même. Ce gars-là, il se nourrit de fleurs ou il boit du sang. Ben, c'est... Il boit du sang de jeune vierge. Ah, Sti, man. Puis là, quand je l'ai vu, j'ai comme, Chris, man, Brad Pitt, tabarnak. Puis c'est ça, puis tu sais, comme, dans le film, t'as ça qui est... En fait, tout le film est de la fiction. C'est un genre de what if d'Hollywood. C'est ça. Parce que c'est comme relié avec Sharon Tate qui a été tuée par la gang à Charles Manson à l'époque. Exact. On avait un doute que ça allait se diriger vers cet événement-là. Mais on savait que Margot Robbie était cassée comme étant Sharon Tate. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a rien qui a été caché là-dedans. Là. Puis c'est ça. Avec le beau Roman Polanski. Ça n'a pas de bon sens. Avec son saut de vampire. Là. Mais c'est ça. T'as-tu aimé le film, toi? Moi, personnellement, là, je te disais, outre les films de super-héros, parce que c'est comme pas juste, là, à date, c'est mon film préféré de 2019. Ah ouais. Moi, je suis un gros fan de DiCaprio, puis quand j'ai vu de Tarantino, excuse-moi. Ouais, moi aussi, là. Puis quand j'ai vu le film, je te dirais que ça m'a pris peut-être un 10 minutes pour être vraiment comme embarqué dedans. Parce que ce qui est arrivé, c'est que j'avais un gars de 500 livres qui était assis dans l'avant de moi, là, puis genre, j'étais pas bien parce qu'on dirait qu'il prenait de mon espace, puis la chaise où j'étais assis était comme semi-endommagée, fait que j'étais comme canté sur le côté droit. Ah, ben c'est ça, mais après ça, pour se rendre à Guzzo. Ouais, puis après ça, comme. OK, là, je suis dans le film, je suis dedans, j'étais concentré au bout. J'étais dans l'histoire, j'ai trippé sa musique. Tu sais que je vends des Cadillacs. Puis le char de DiCaprio que Brad Pitt chauffe, c'est une Cadillac. Ouais, ouais. Puis on a un cadre au concessionnaire avec ce char-là, justement, qui était dans mon ancien bureau. Et puis, écoute, juste les néons, ça sentait les années 60. Ah, mais ça... C'est... Le style, le look, le monde s'habille. Je pense qu'il a filmé avec des pellicules de l'époque aussi parce que ça paraît pas... Que ça a l'air du vieux stock. Ouais, mais c'est son style parce que des fois, à un moment donné, tu voyais que genre... Mais c'était un pro, là. Il y avait une scène qui tournait, puis là, ça a comme coupé, puis le gars, il est genre à une autre place, comme pas rapport, ça a comme été mal coupé. C'est volontaire ouais, qu'il a ouais, fait c'est ça. Volontaire. Puis ce que j'ai découvert dans le film, dans le fond, parce que il était une fois à Hollywood, c'est un what if, oui, mais il s'est beaucoup inspiré genre des documents qui ont mené à l'enquête de la mort de Sharon Tate. Parce que ouais, c'est clair. Il y a des moments dans le film qui se sont réellement passés, mais qui ne se sont pas déroulés de la même façon. Le meilleur exemple que je peux te donner, là, c'est quand que Brad Pitt s'en va, il fait un lift à une des filles, puis là, il s'en va au ranch. Il fait un lift à Pussy. Ben, Thanks for giving Pussy a lift. We love Pussy. We all do. C'est que c'était écœurant. Il y a des bons moments de même dans le film, là, des liners. Là. Quand je suis allé voir le film au cinéma, c'était un vendredi soir, puis bizarrement, il y avait beaucoup de monde. Puis le monde applaudissait, puis il riait. Genre, fait que ça, je suis comme, OK, cool. Parce que c'est un des bouts que j'aime dans le cinéma, c'est quand le monde réagit en même temps pour quelque chose en particulier. Puis la scène, quand il va là, puis là, il insiste à aller voir genre le propriétaire du ranch, parce que c'est là qu'ils ont tourné The Green Hornet. J'ai comme senti une petite pression. J'ai dit, Chris, il va arriver de quoi, c'est-tu? Il me semble qu'il est insistant au bout. Pour aucune raison, en plus, il est quand même pas ami avec le gars, il va juste voir. Il veut juste le connaître, voir s'il est parce correct. Qu'il aime pas les hippies, en fait, là. Filthy fucking hippies. Il a pas confiance à eux autres, fait qu'il veut savoir, il a peur que le gars il se fasse abuser, genre par son pouvoir. Puis dans les enquêtes, dans les documents, ils ont découvert le corps d'un cascadeur dans le ranch qui a été tué. Ah ouais. Mettons, dans les alentours de ce temps-là. Fait que Tarantino a refait la scène avec Brad Pitt, il l'a réimaginé, mais ça l'a fini que, dans le fond, le gars, c'est un assis d'aveugle par rapport. Puis c'était Burt Reynolds, by the way, qui devait jouer mais le rôle du gars, il est mort. Fait qu'ils ont pris Peter Fonda, je pense qu'il s'appelle, ou. Je me souviens plus trop, là. Puis après ça, là, c'est genre, ça a fini qu'il y a un esti de cave de hippie que qui pète ses pneus, hein. Dans le tire. C'est parce que les hippies ne veulent pas qu'ils rentrent parce qu'ils sont comme on a comme un genre ouais, de c'est ça, comme, genre de sec. Tu n'as pas écouté, fait qu'on va crever ton pneu, là, mais asti qui a mangé un des coups de poing sur la gueule, man. C'est juste ça, j'ai comme OK, là, tu niaises pas avec Brad Pitt, là. Puis là, après ça, ils vont chercher l'autre crise de cave là, qui s'appelle. Comment il s'appelait donc Rex? Tex. Tex? Charles Tex, quelque chose. Parce qu'il le nomme jamais Charles Manson, mais c'est lui. Parce tu le vois juste une fois à un moment donné. Puis tu sais, lui, il parle de Charles comme à troisième personne, mais il disait dans le temps que Manson se parlait de lui-même à troisième personne. Fait que c'est un peu ça qu'ils ont passé. Ouais, parce qu'il se prenait pour le Messie. C'est ça, là. Fait que là, c'est mettons. I'm the fucking devil. Pendant qu'il pète la gueule au gars, puis il dit là, tu vas changer le tailleau complet. Puis là, tu vois toutes les filles qui sont là, puis ont toutes peur pour le gars qui se fait péter la gueule solide. C'est décolle, là, t'as l'eau qui s'en vient, Rex à la rescousse, puis là, Brad Pitt, il a crissé son camp, là. Fait que là, j'étais comme, OK, shit, ce scène-là était incroyable. Puis en plus, là, c'est comme. C'est pas arrivé de même, mais, tu sais, c'est comme. Il a comme rendu hommage à le gars qui est mort, ouais, dans ouais. un sens. Là. Puis il y a plein d'affaires de même pendant le film qui a rapport avec l'enquête. Juste avant qu'on tombe à l'enquête, il y avait aussi une scène que j'ai adorée. C'est quand que Brad Pitt argumente avec Bruce Lee. Oui, ça fait de la controverse, puis c'était tellement inutile. Là. C'est sa fille. Mais là, j'ai remarqué une chose, c'est que dans ce temps-là, quand, mettons, ça se passait, sa fille n'était même pas au monde. Elle était vraiment jeune, en fait, je pense. C'était se passé, mettons, avant 69, puis sa fille est née en avril 69. Ça fait qu'elle était comme trop jeune pour savoir comment son père est arraché avec des adultes. Tarantino, lui, pour se défendre, il explique, écoute, tu sais, dans le fond, je connais des gens dans l'industrie, puis oui, Bruce Lee était arrogant. Puis si moi, tu sais, dans le fond, ce qui arrive, c'est que tu sais, une petite confrontation, puis tout ça, puis là, après ça, mais là, il y a comme un challenge, une petite bataille. Puis là, tu sais, premier kick, Bruce Lee, il kick Brad Pitt, il tombe en arrière. Mais là, c'est là que tu vois que Brad Pitt, c'est un badass, parce qu'il y a même une parenthèse où ce qu'il dit qu'il aurait tué sa femme, sauf qu'on sait pas vraiment. Oui, c'est comme, il dit, oh, il aurait tué sa femme, mais il s'en est sorti, mais tu sais. C'est ça que j'ai un peu moins aimé dans le film. Il y a plein d'affaires qui se set up, puis qui servent à rien. Non, mais est-ce que c'est comme des rumeurs, mais tu sais. Non, mais c'est des rumeurs d'Hollywood. Ça fait juste te montrer que c'est un badass, parce que même que j'ai tellement ri, parce que lui, il arrive avec son saut de plongeur, il sauve une bière, mais c'est comme des gargos, parce que la bière, des lunettes pour se protéger. Fait que là, il s'est rendu que Bruce Lee veut re-kicker Brad Pitt, puis il pitch dans le char. J'ai comme, OK, Brad Pitt, c'est un badass, là. Ouais, puis là, la fille à Bruce Lee, elle a dit, ouais, mais tu sais, après que Tarantino est revenu en disant. Parce que oui, c'était un arrogant, puis on l'a lu dans les livres qu'il est arrogant, puis tout. Ça fait dire, ouais, mais Bruce Lee, ça s'est jamais fait battre par Brad Pitt. Puis il est revenu, Tarantino, puis il a dit, ouais, mais il se serait-tu fait battre par Cliff Booth? C'est de la fiction. C'est les mêmes affaires de dire, est-ce que Bruce Lee serait fait battre par Dracula? Si, c'est de la fiction. C'est décroche. Tu sais, il a le doigt, s'il veut que. Il a le droit, certain. Booth soit le gars le plus fort au monde. Il a le doigt, c'est son histoire. Fait que je trouve un peu qu'elle conne. Puis c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Ils ont fait, ils ont fait une biographie de Bruce Lee qui est sortie l'été passé. Puis ça a été un flop. Puis étant en crise après les producteurs parce que c'est pas une bonne représentation de mon père. Oh. C'est comme, hey, ta gueule, man. Tu sais, elle est toute seule, puis tout ça. Puis je sais pas si elle cherche de l'attention, mais l'image que j'ai de cette personne-là, c'est comme une crise de conne. Parce que, dans le fond, tu sais, j'aimais beaucoup Brandon Lee, ses films, tout ça, mais tu sais, il s'est malheureux, il s'est fait tirer dans le de Crow. Puis Bruce Lee, j'ai pas vu beaucoup de films de lui, mais puis encore là, ça me surprendrait bien gros que les films qu'ils ont fait sur lui soient la vérité pure, parce qu'il montre comme un grand héros. Ça se peut qu'il soit un petit truc, puis qu'il se vantait qu'il pourrait battre Muhammad Ali dans le film. C'est quoi le film? Enter the Dragon? Je sais pas quoi. Ouais, mais là, il montre que tu sais, il se battait contre un cauchemar. Ben ouais, c'est ça. Ouais, là, c'est pas. Tu sais, c'est romancé, puis là, il sort avec Lauren Holly, qui est l'ex de Jim Carrey, qui joue dans Dumb and Dumber. Ça, c'était pas pire, ce film-là. C'était un an de temps, ça. Ouais. Puis, regarde, fuck you, là. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Dans l'histoire, ils se sont servis de plein d'affaires. Ouais, c'est plein de moments. Puis, tu sais, il y a. Puis, il te montre. C'est comme une genre de lettre d'amour à Sharon Tate aussi, là. Tarantino avait déclaré que Sharon Tate, pour lui, c'était comme un ange spirituel qui flottait au-dessus d'Hollywood. Ouais, ouais. Il y a même une scène, une petite parenthèse. Tu sais, mettons, à la fin, quand c'est rendu le moment, tu sais que ça s'en vient. Le meilleur 20 minutes de l'histoire du cinéma, là. Quasiment. Mais, tu sais, Manet, elle sort, puis il dit, ah, il dit, c'est quoi, c'est une première pour des films de cul, tout ça. Mais le cinéma dont elle parlait, c'est un cinéma qui appartient réellement à Tarantino. Il a acheté ce cinéma-là. Ouais. Fait que, tu sais, il se faisait des comme des Easter eggs pour lui-même, là. Fait que moi, je savais pas pantoute comment ça serait fini. Moi, je pensais que dans le fond, dans ma tête, il va sûrement arriver que genre ils vont sauver Sharon Tate. Ouais, moi, je pensais que Sharon Tate allait mourir ou que les deux héros allaient mourir ou j'étais pas sûr. Ben écoute, avec Tarantino, tu sais pas à quoi t'attendre. Ça peut être surprenant. Puis là, juste le fait de voir que, OK, genre, entre-temps, Brad Pitt et DiCaprio se saoulent comme des cochons dans un restaurant mexicain. Ouais, après que DiCaprio a marié une Italienne après avoir passé 6 mois à faire des Western spaghetti. Là. Puis là, je pense pas que c'est vrai dans la vie, mais il existe pas, le gars que Léo fait, mais... Non, non, non. Moi, Léo, dans la rue, avec son blender de margarita, puis... Ben, c'est ça, c'était écœurant, ça, là. Il y en a si gros crotté, là. Was that Rick fucking Dalton? Ouais, puis l'affaire qui arrive, c'est qu'entre-temps, tu sais, aussi dans l'histoire, c'est qu'à un moment donné, tu vois que, genre, Brad Pitt a acheté une cigarette trempée dans l'acide à 50 cents. Non, il a vendu ou il a donné pour le lift ou quelque chose de genre, là. Il a vendu à 50 cents. En même temps que le lift, ouais. Quelque chose de genre. Puis là, tu sais, il l'a pris. Puis à un moment donné, genre, je te dirais, pendant le film, il dit à DiCaprio, il dit, ça dérange que je me sens ton pote de cigarette. Fais attention. Parce que je veux pas me tromper dans mon paquet de cigarettes. I don't want to get too fucked up. Puis là, je te dirais quasiment un an plus tard, là, ouais, finalement, il est chez eux puis il dit « Ah, regarde, tenez à l'aise de neige parce qu'il retrouve la cigarette dans le pot. » C'est ça, ils sont chauds parce que c'est comme... Là, vu qu'il est marié, DiCaprio, avec sa femme, il n'y a plus... C'est la dernière soirée. Il n'y a plus d'argent pour le payer comme son helper. Fait que c'est comme on fait une dernière brosse en chum. Puis après ça, mais il faut qu'on... Viens crasher chez nous. Puis... C'est ça. Fait que là, DiCaprio, il est chaud. Puis Brad Pitt, il est gelé bien raide parce qu'il avait promené son chien. Fait que là, c'est ça, quand il sort avec son blender, là, les trois personnes, dans le fond, c'est les vraies personnes qui ont commis les meurtres. Et puis là. Oh, mais Charles Manson n'était pas dans le meurtre de Sharon Tate. Non, mais c'est sa gang. C'était, mettons, comme une mission qu'il avait donnée à sa clique, là. Puis là, c'est ça qu'ils ont réalisé. Ils disent, Chris, on va aller tuer Rick Dalton parce que dans le fond, c'est lui qui nous a appris à tuer du monde. On va tuer les acteurs qui nous ont montré à tuer quand on était jeune, à la télévision et dans les films. Puis ça, c'était un peu le morlot de Charles Manson parce que vu qu'il se voyait comme le messie, il voulait comme partir en guerre avec la société par rapport à ça. Ouais, ouais. Fait que là, tu vois qu'il se prépare. Puis là, à un moment donné, t'as une fille qui dit, ah, j'ai oublié mon couteau dans le char. Puis là, elle crisse son camp. Mais oh, elle, sûr, là. Elle, là, dans la vraie vie, cette fille-là, son nom de famille, c'est Lake. C'était une témoin très importante dans le procès de Charles Manson. Enfin, elle a témoigné contre lui parce qu'elle, okay. Sa job, elle était comme au volant, puis elle attendait que, genre, eux autres, ils fassent le meurtre pour crisser leur camp, là. Puis c'est elle que la police ont réussi à intercepter pour qu'elle puisse témoigner contre Charles Manson. C'est un témoin super important, puis elle a adoré le film, by the way. Alors, après ça, là, quand je me dis, OK, c'est bon, ils vont aller tuer Brad Pitt puis DiCaprio. Fait que je sais pas quoi m'attendre. DiCaprio qui est comme dans sa piscine avec des écouteurs qui n'entend rien. L'autre qui revient d'aller promener son chien qui puis a fumé, fumé une cigarette à l'acide. Puis la femme qui essaie de dormir puis il faut le fatiguer. Fait que là, ils sont là. Là, Brad Pitt dit, Are you real? Là, il est comme. Quand il sort la bouffe au chien puis il est juste avec ses mains. Là. Il bouge ses mains dans le vide, comme, okay, il est fucking raide. Là. Fait que là, c'est ça qu'ils ont là. Puis là, à un moment donné, genre, quelqu'un a dit. Are you for real? Hey, text. Il dit, I know you. Ouais. Il dit, what's your name? Puis là, il dit, I'm the guy who's gonna worship the devil. No, it's dumber than that. Oh. Puis là, quand il a su que c'était texte, il y a the guy from the ranch, blah. Là, après ça, je me souviens plus qu'est-ce qui a déclenché tout ça, mais à un moment donné, genre, quand il se revirait de bord, il a juste comme sifflé, là. Puis on s'entend qu'un bulldog, c'est dangereux, là. On entend parler des nouvelles à LCN. Est-ce que le gars s'est fait manger les chenolles, mon gars? Le bulldog le checkait, puis je pense qu'il allait le tirer, puis il a juste jumpé. Il fait comme le Chris, il a sauté dessus, puis là, c'est là que la jouissance du cinéma a commencé. Est-ce qu'ils ont mangé une volée, man? C'est là que j'aurais aimé ça le voir au cinéma parce que je vois, c'était comme pas super clean sur mon télé. Au cinéma, c'était comme des Brad Pitt qui te pète la face de la fille partout dans le téléphone, puis dans le comptoir en marbre sur le foyer. Là. Tabarnak, man. Puis vu qu'il était tellement gêné, il s'est fait piquer sa cuisse. Moi, le meilleur affaire, c'est le payoff de comme d'avoir vu. DiCaprio, au début du film, se pratiquait avec le lance-flamme. Il est comme, oh, c'est chaud pour un rôle, qui brûle des nazis. Peux-tu baisser la température? Mais la fille qui tombe dans la piscine, puis lui, il sort, puis il va chercher son crise de lance-flamme. Je m'attendais pas à ça. Non, quand je l'ai vu, je suis comme, oh, le lance-flamme, ça, c'est. Au cinéma, au Guzzo, là, le monde là, applaudissait, c'était malade. Puis là, comme de fait, il est arrivé ce qui est arrivé à la pauvre victime, si je ne même pas qu'elle mange la marde. Ouais, qu'elle mange la marde, eux autres. Puis là, c'est ça, dans le fond, la fille qui témoignait pour le procès de Manson, elle a parlé de cette scène-là, puis elle a dit, dans le fond, là, la manière que je vois cette scène-là, là, elle a dit, c'est un esti de massacre qu'ils ont fait eux autres en tuant Sharon Tate, les trois autres qui étaient dans la maison. Ils ont dit à coup de couteau. Elle a dit, la manière que Tarantino l'a fait, ouais, ben c'est ça, mais je sais pas s'il y a eu d'autres choses, la mutilation, là, mais il dit, qu'est-ce que Tarantino a fait, c'est que ça a été grave ce qu'ils ont fait, lui, il a voulu comme. Faire quelque chose de grave envers ces gens-là qui ont commis un acte grave. Ouais, ouais. Puis, écoute, c'est une jouissance. Puis, en même temps, ça rend hommage aux victimes. Ah, puis Tarantino, Chris, il n'a pas manqué. C'est là que j'ai su que, OK, Brad Pitt, c'est un acide badass. Puis là, c'est toi, ce Chris de hippie, genre dégueulasse, qui veulent, genre, tuer du monde. Puis là, ils font des prières. Filthy fucking hippie. Je capotais Ben Ren, puis je te jure, JF, là. Je vais faire juste un inside joke, là, mais je pense que sur du monde junkie de même, là, ça me tenterait en esti de prendre le visage et de coller sur un bout de comptoir. C'est clair. Brad Pitt m'a inspiré pour ça. Puis écoute, c'était débile. Puis j'ai aimé la fin, comment c'était fini, dans le fond, parce que là, tu vois que pendant tout le long du film, Rick Dalton, genre, il disait, ah, Chris, c'est Roman fucking Polanski, he's the greatest director, blablabla. Puis là, tu sais, il dit, ah, peut-être que vu que c'est ton voisin un jour, tu vas avoir un rôle, puis tout ça. Fait que là, ça finit qu'il l'invite chez eux. Ouais. Fait que ça l'ouvre peut-être une porte. Je ne dis pas qu'on va faire un film, là, mais. Ouais, il n'y aura pas de film. Tu sais, mettons, ça va peut-être l'aider à relancer sa carrière, parce que techniquement, genre, on peut pas dire qu'il a sauvé sa vie parce qu'elle n'était pas vraiment en danger, là. Mais juste le fait qu'il a fait ça, c'est genre, c'est probablement impressionnant. Tu sais, Rick Dalton qui tue des tueurs sataniques, là, c'est spécial. Avec un lance-flamme contre des nazis. Puis. Même à la fin, toi, tu n'as pas écouté parce que je sais pas si tu l'avais. Là. Non, j'avais pas le bout que tu me dis à la fin des deux trailers ou je sais pas quoi. Il y a toujours un trademark pour les films de Tarantino, c'est sa marque de cigarettes, c'est Red Apple Tobacco. Ouais. Puis là, il y a une pub en noir et blanc de Rick Dalton qui fait sa pub de cigarette. Puis là, il dit « Now they're all roll in a manufacturer. » Puis là, il prend une puff de cigarette. Puis là, il était comme mm. « Là, ça coupe. » Il dit « That tastes like shit. » Wow, j'ai pas vu ça. Il pète sa coche. Fait que là, il crisse son camp. Il l'a pas, son screener. Puis après ça, c'était genre une annonce commerciale de Batman avec Adam West puis Fred Ward. Burt Ward. Fait que là, c'était comme Fred Ward, c'est le gars qui joue dans Tremors. Puis là, c'est ça. Fait que là, tout le reste du générique, c'était Adam West qui s'adressait, puis il dit participer à tel concours, blablabla. Le vrai Adam West dans le temps, là, que c'était des vraies images d'époque. Sûrement que c'est une annonce publicitaire qu'il y avait à cette époque-là pour participer à un concours. Fait que j'ai trouvé ça cool. Le lendemain, j'étais allé chercher de la musique du film pour le réécouter, puis j'ai hâte de le réécouter une deuxième fois parce que là, dans le fond, tu sais, je trouve que des fois, quand tu écoutes un film qui est un peu complexe, la deuxième écoute est toujours meilleure. C'est pour ce genre d'écouter Endgame, by the way. Là. Fait que, c'est ma troisième écoute, moi, Endgame, puis je le réécouterai déjà. Là. Mais ouais, non, j'ai. Je peux pas dire que j'ai adoré ça. J'ai aimé ça, mais j'ai pas adoré ça. Pour moi, c'est pas dans les top Tarantino, mais c'est un bon Tarantino quand même. Ça m'a fait penser à Inglourious Basterds un peu, la structure qu'il a faite. Sauf que. Tu sais que c'est un what if, puis qu'à la fin, méchant se fait décalisser là, à Hitler à la fin. Là. Tu fais tirer des bouts de mitraillette dans la face. Ça n'a aucun bon sens. Sauf qu'il manquait dans ce film-là, je trouvais une ligne directrice. On dirait qu'il n'y a comme pas de but dans le film. C'est juste comme une tranche de vie de l'histoire de Rick Dalton, puis de son. Ben, c'est comme le film Once Upon a Time in the Wild West, je pense que ça s'appelle, ou je ne sais pas trop quoi. Puis Once Upon a Time in America. Il n'y a pas vraiment de début, de milieu puis de fin. Là. C'est genre c'est un bout d'histoire sur des personnages en question. C'est ça qui a fait. Moi, je l'ai vu comme un genre de documentaire sur comment ça se passait dans ce temps-là, le cinéma. Ouais, mais c'est pas monté comme un documentaire. Puis t'as pas de. Tu sais, t'as comme pas de challenge dans le film. T'as pas d'antagoniste. À part la fin. À part la fin, que tu sais, à la dernière 20 minutes, t'es comme OK, ils vont peut-être se faire tuer. Ah non, finalement, il est tué. Mais tout ça avant, il y a comme. T'as pas d'intrigue en tant que tel. Toutes les scènes de Sharon Tate, je suis comme, OK, mais il fait juste montrer que Sharon Tate, elle s'aimait, puis que c'est une actrice populaire. Puis... Comme un genre dommage, parce que dans le fond, t'as toujours souriante, puis elle, mais il y a comme ça. Pas de point en tant que tel à voir Sharon Tate dans le film, à part qu'elle s'est pas fait tuer, finalement, puis qu'à cause d'elle, elle y rencontre Polanski. Là. Fait que ça, je trouvais qu'il manquait peut-être son histoire, je sais pas, bien des bons moments, mais il manque quelque chose pour tout tenir comme... Une ligne directrice dans le film. Pour... Quand le film va sortir sur Netflix... Ouais, il va le sortir en comme 4 heures, ça va être en série. Ben, il l'a annoncé en série, fait que j'imagine que je ne sais pas s'il va le diviser comme en chapitre. Peut-être. Parce que Tarantino a eu une tendance de séparer ses derniers films. Je te dirais Inglourious Basterds, si je ne me trompe pas, c'était des chapitres. Ça se peut. Kill Bill. C'était des chapitres. Kill Bill, c'était-tu des chapitres aussi? Ouais. Ça, tu vois, je ne m'en souvenais même plus. Fait que... C'est sûr qu'en chapitre, c'est le fun parce que dans le fond, c'est comme si tu lisais un livre. Là. Mais si toi, tu aurais un film de Tarantino, genre que tu aurais à choisir pour que ce soit ton meilleur film de Tarantino, là, serais-tu capable de répondre à la question aujourd'hui, savoir sans y penser vite, lui, c'est le film que j'ai le plus apprécié de Tarantino? Pulp Fiction. Bon, moi aussi, j'ai ça. Puis je te dirais que il faudrait que je réécoute Pulp Fiction puis Inglourious Basterds après pour savoir lequel des deux que je préfère parce que. Je pense que côté cinématographie, Inglourious Basterds, c'est le plus beau film qu'il a fait. Mais okay, j'ai Kill Bill dans mes tops, moi, l'hommage à tous les films chinois, japonais, c'est ça m'a fait capoter. Sur un bout, j'ai pas vu. Juste à la fin, la conversation qu'elle a avec Bill, c'est malade. C'est genre quand il fait la parenthèse avec Superman, Clark Kent. Là. Ouais, ouais. Avant de le tuer avec le move de le punch, je sais pas quoi, dans le cœur. Genre sur le cœur, le gars qui a montré. Là. Dans le cœur à David Carradine avant qu'il meure après s'être crossé en s'étouffant. Là. C'est-tu mec qui est mort pour de vrai? Ouais, il est mort. Pas une rumeur, ça? Non, il est mort d'auto-asphyxie érotique. Là. C'est pas changé, c'était genre. Non, ce n'est pas une rumeur. C'est, shit! David Carradine. Mais, puis c'est ça, Tarantino a même annoncé qu'il y avait des discussions avec Uma Thurman pour voir s'il y aurait la possibilité de faire un Kill Bill volume 3. Ah oh, ouais, wow. Fait que ça serait assuré déjà que Uma Thurman n'est plus connaissable du tout. Là. Ah ouais, je sais pas. Ah, écoute, je te montrais une photo d'elle, puis c'est pas la Uma Thurman qu'on a connue dans le temps de Pulp Fiction. Là. Chris, elle ressemble à une sorcière qui jouait dans le film avec les petites souris, là, puis des sorcières. Là, c'est genre dans un château, dans un hôtel. Là. Ouais, ouais. C'est un film de Disney, Chris, je sais pas c'est quoi. En tout cas, elle est rendue là dans Hôtel Transylvania. C'est-tu ça? Je pense pas que c'est Disney. Non, ça, c'est un film d'Adam Sandler. Ouais. Ça. En tout cas. Mais ça, il n'est pas dans mes, tops. Là. C'est pas au niveau de Kill Bill, Inglourious Basterds et Pulp Fiction, mais c'est quand même un bon film. Mais c'est ça. C'est... Je peux comprendre le monde qui ne l'auront pas aimé parce que c'est bien du dialogue. Puis t'es comme, ça va nulle part, cette affaire-là. Puis... Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que, comme je te disais, t'sais, il a voulu faire un film dans ce style-là, comme Sergio Leone, qui a fait dans ses deux autres films. C'est vraiment un hommage à ce style-là. Mais c'est vraiment, c'est comme si dans le fond, il y aurait un film sur toi et moi. Là. Puis ça se passerait, mettons, ça commencerait à soir et ça finirait, genre, mettons, dans un an. Puis ça serait nos vies, genre. Probablement qu'on gagnerait un Oscar. Mais, mais c'est un peu ça. C'est juste un moment de l'histoire qui se passe dans ce temps-là. Mais la manière que c'est représenté, je pense que le film pourrait probablement avoir des nominations aux Oscars pour les décors et tout ça. Là. Mais j'ai hâte de le revoir en Blu-ray, mais qu'il sorte comme du monde. Parce que là, j'ai juste vu un 10%, ça c'est marqué 10% de batterie, puis j'ai dit ça. C'est peut-être un 10% du film que j'ai vu, en fait, j'ai vu 25 minutes, fait que c'est je n'ai pas vu assez au cinéma, je l'ai quand même vu ici parce que je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer, mais j'ai hâte de le revoir pour mieux un G, j'étais un petit peu déçu, mais pas tant non plus. La fin est tellement satisfaisante, là. Ah ouais, c'est pour vrai, le lance-flamme, sacrément. Là, c'est beau. Puis avec sa face, tu sais, genre des cheveux un petit peu longs, genre il y a comme des gros joues. Il se pratique que le lance-flamme, ouais, c'est chaud un peu. Peux-tu faire de quoi pour ça? Ben, c'est un lance-flamme. Là. Ah ouais, c'est comme Chris Nassant, man. Chris, tu sais, il apprend ses textes en se saoulant dans sa piscine. Là. Il est dégueulasse. Puis le lendemain, il vomit. Il commence la journée dans le trailer de maquillage, puis il a la tête dans un bol d'eau glacée. Là. Ah ouais, parce qu'il fait pas pantoute. Puis il y a des poches en dessous des yeux, puis il est pogné. Ah, il est dégueulasse. Ah, Hollywood. Ah, Hollywood. Qu'est-ce que t'as fait, Hollywood? C'est ça qui est ça. Leo. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un film avec deux acteurs blockbusters même en même temps. Là. Léo et Non, puis Leonardo, c'est son premier film depuis qu'il a gagné son Oscar dans The Revenant. Puis Brad Pitt, il y a eu... ça fait un bout aussi qu'il n'y a pas reçu dans... Écoute, je me souviens plus, c'est quand son dernier film? Je pense que c'était The Allied avec la fille qui faisait Talia al Ghul dans Rises. Parce que lui, il a eu des troubles à cause d'Angelina Jolie. Ouais. Elle voulait plus qu'elle voie ses enfants parce qu'elle le traitait d'alcoolique. Là. Mais là, ouais, mais... Il a beau être alcoolique, check-les. C'est beau qu'il ait dur. Les cracks, ça. C'est encore bien trop en chef, du gars-là, pour son âge. Il a 55 ans, puis là, il va jouer un film, il va faire un astronaute, là. Puis je pense que dans l'astronaute, il doit ça. Avoir peut-être 40 ans, là. Puis je sais même pas si c'est bon, c'ti. On verra. Je pense que de tout l'été que j'ai vu, de tous les films que j'ai vus au cinéma, là, c'est la bande-annonce que j'ai vue à chaque fucking fois, là. Pendant Le Roi Lion. Justement, une anecdote, Jeff, si tu veux qu'on finisse là-dessus. Ouais. Là. Je suis allé voir Hobbs & Shaw avec mon fils au cinéma IMAX. Là. La première balle. Fast and Furious presents Hobbs & Shaw. Ouais, puis j'ai bien aimé ça en passant, mais dans le fond, tout ça pour dire que. Ah, c'est The Witches, le film avec les souris. Mon cousin Jean-Philippe qui m'a rafraîchi la mémoire. La première bande-annonce, Jeff, que j'ai vue en écoutant Hobbs & Shaw, là, c'était It Chapter 2. Là, j'ai comme, qu'est-ce que j'étais avec mon gars? Avec ton gars qui monte ça. Fait que là, tu sais, à IMAX, on s'entend que le son, genre, il est dans le tapis, là. Fait que là, mon gars, il dit, ah, papa, c'est-tu le film avec le clown? J'ai dit, OK, Zach, regarde-moi. J'ai crissé sa main dans ses yeux. Puis là, j'y parle pour expliquer c'est quoi l'histoire. Le clown avec les yeux. Genre, j'ai coupé ben des bouts. Écoute, c'est un clown méchant qui veut faire peur à des petits-enfants. Mais tu sais, j'ai dit pas que le clown mange des enfants puis qu'arrache des bras puis qu'il leur fait vivre leur pire cauchemar. Là. J'ai pas dit ça, là. Mais là, t'entendais plein de ça, mais tu sais, j'essaie de le concentrer. Puis finalement, ça s'est bien déroulé. Puis Hobbs & Shaw, c'est un film qui était général, Chris. Qu'est-ce que tu as à mettre un film rated R de clown qui tue du monde, genre? C'était fucking intense, là. Tu sais, Zach, là, si jamais tu ranges pas tes jouets de Marvel quand on vient à la maison, le clown va te manger le soir. Ah, je te dis que moi, je vais casser ces bonhommes. Ça va être Infinity War, puis tes bonhommes vont être tout cassés. Ouais, là, je vais arracher la tête à Thanos, là. Fait que, non, c'est correct. Mais il joue avec, puis il punk Thor, puis il coupe la tête. Avec, là. Il l'a déjà fait. Ben, parce que la tape, tu peux la tête, tu peux la déclipper. Là. Ah, ben parce là. Que, le Thanos qu'on a, il peut avoir une tête avec un sourire, puis une tête quand il est fâché. Tu sais, il chope ça avec Stormbreaker, voilà. C'est qu'on est violent. Violent sur on finit des films de Marvel. Fait que, hey, je sais pas si ça fait 2 heures qu'on podcast, Jeff. Ah, c'est qu'on a de la jasette, hein? Hein? C'est pour ça que c'est la jasette. Tout ça pour vous. Jasette. Voilà, c'est ça. Ouais, puis soyez à l'écoute parce qu'on va en faire d'autres jasettes. Puis LSDP recommence bientôt. Ouais, on va revenir avec LSDP pour un épisode wrap-up de ce qui s'est passé cet été. Après ça, on va avoir un épisode sur le repêchage, donc les choix des poolers. Ouais, il faut que j'aille acheter mon magazine qui sont déjà en vente présentement. Puis après ça, si je me trompe pas, on va commencer la saison et ce sera l'épisode 100 de la soirée du podcast. Puis on continue la jasette. Puis sinon, suivez Rétro Nouveau, suivez Part du casque obligatoire pour les nouvelles de VR. Puis Continue de suivre RZO, d'encourager nos projets sur patreon.com/yankmedia. Voilà, puis écoutez la série Barry que j'ai pas parlé. Là. C'est la deuxième saison que j'écoutais, là, c'est drôle en tabarnak. Bill Hader est magistral. GF, c'est ton genre d'humour. Écoute-les. Parce je vais l'écouter, puis on en reparlera dans un autre épisode. Il y a un épisode dans saison 2 que j'ai écouté, là, que dans le fond, tu sais que c'est un tueur à, dans le fond, ouais, c'est un tueur à gages qui veut prendre sa retraite pour devenir acteur. Puis il y a un épisode dans saison 2 là, où ce que sa mission, c'est de tuer quelqu'un. Là, puis ça dure la demi-heure au complet. Mais c'est genre, c'est comme, ça tourne mal. Mais c'est tellement drôle, puis c'est tellement n'importe quoi. Là. Asti, j'ai trouvé drôle. Ma mère était venue me rejoindre pendant que je l'écoutais. Là, puis elle a juste vu un 5 minutes. Là, puis je pense qu'elle me jugeait. Elle dit, c'est quoi t'écoutes là? Je dis, ah, c'est Barry. Ben, ça joue où, ça? Fait que là, en tout cas, à un moment donné, j'ai dit, ferme ta gueule. Fait que, non, c'est bon. On vous rappelle d'être poli avec vos aînés, tout le monde. Oh, ouais, très important, hein? C'est deux que vous allez avoir votre héritage. On dit de même. Bon, voilà. C'est donc, ben, c'est ça. Fait que ça fait le tour du podcast pour cette semaine. Donc, on vous dit à très bientôt, tout le monde. Ciao, à la prochaine. Bye.